vous êtes à CIF. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Télévision, plus de 400 séries télé ont été diffusées en 2015 aux États-Unis, ce qui veut dire que j'aime quand même une moyenne de 0,25% de télé. Je vais vivre dans le déni. Dans le segment Geek CNX, Facebook plante volontairement pour tester la loyauté de ses utilisateurs, donc le reste de l'année quand ça plante, c'est parce qu'ils sont incompétents. Et dans Merci Science, Star Wars pourrait vous éviter un cancer du côlon, Monsieur Planchot, tout de suite. Et voici celui qui se demande si Star Wars évite aussi le cancer du cul. Du cul. Du cul, c'est comme un jeu de mots avec du cul pis du cul, ça. Ouais. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 11 janvier 2016, la chronique télévisuelle, Television, la chronique de science, technologie, médecine, merci science, le segment geek, CNX va être là aussi. Mais dans quelques instants, ce sera la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. Le temps de vous dire merci d'être avec nous pour une nouvelle saison de 2016. L'année 2016 commence. C'était l'émission Best of la semaine passée. J'étais malade, juste encore cette semaine. Même à un moment donné, faut bien que l'émission revienne. Hein? Fait que je me moucherai pendant les chansons. C'est correct ça? C'est correct ça? Pour commencer donc justement, question de moucher un peu. Voici un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo encore créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et comme j'ai écoulé le stock de musique de Noël pendant l'émission spéciale qu'on a fait juste avant Noël, j'ai gardé des musiques hivernales. Donc tu sais, ça ressemble un peu à de la musique de Noël dans le style. Il y a des petites cloches, des carillons, des crécelles, lors de toutes les affaires religieuses de Noël. Donc c'est Laffy the Fox pour commencer qu'on écoute. Voici Santa's New Tech Beard tout de suite au Mathieu Planche. Oh. Ah, c'est ça, là. Les Gelling Gelling. Mais c'est pas une chanson de Noël. Ah. Thank you. Matt Wilfox, Santa's New Tech Beard. Pièce disponible à télécharger gratuitement via le site d'assemblagerequis.com. C'est la pièce numéro 5 sur Mary Chipmiss 2015 de You Collective, mais comme j'ai dit, pas vraiment une chanson de Noël. Une pièce originale, donc. Maintenant, c'est le moment de passer à Samuel Girard, que voici avec d'un gamer à un autre. Salut Samuel! Hello! Première chronique de 2015 et en fait, on se demandait... T'as-tu vraiment dit 2015? 2016? Ah, c'est ce que je viens de dire, Mary Chipmiss 2015, dans la phrase d'avant, c'est okay. Ce qui m'a mêlé. Mais oui, on est en 2016, Mathieu! Ce qui est encore pire, c'est que pendant les fêtes, j'ai diffusé l'émission spéciale de Noël où c'était le Mary Chipmiss de 2014, parce que 2015, c'était pas encore sorti. Ah, ben oui, ok. Puis là, je viens de lire 2015, ça me défait tout, je suis tout mêlé. Bref, pas grave, tu vas t'en sortir. On n'était pas sûr que ça allait revenir. En tout cas, on espérait. Et là, ouais, c'est ça. Ben, en fait, je t'avais dit que j'allais revenir, on savait juste pas sous quel format. Exactement. Finalement, regarde le résultat, c'est quand même bien. T'es quand même pas mal tartiné partout sur la programmation. On en parle à la fin de la chronique, mais Génie en liberté, une chronique à Assemblage Requis, une chronique au Mathieu Plancho. Il te manque une chronique au Palmarès, c'est fou. Là, sors-nous la meilleure musique du Parti conservateur. Je reviens avec Alex. Oui, à Matière Noire. Ça fait vrai. Donc, GG, mon apport musical. Et je pense même une autre collaboration à une autre émission quelconque, mais ça, on vous verrait bien dans le temps comme dans le temps. peu importe, l'important, c'est que là, t'es au Mathieu Plante Show, une semaine sur deux à 15h les mercredis après-midi. Oui. Et on parle de jeux rétro, principalement. Il y a aussi du plus récent, mais c'est... Disons qu'on est parti avec l'idée de jeux rétro. Finalement, j'ai dit, je vais y aller avec ce qui m'inspire dans le moment. Voilà. On parlait beaucoup de Easter Egg à un certain moment donné. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Tout à fait. Je vais en refaire. Faites-vous-en pas, mais j'ai décidé que, regarde, je m'enlève quelques barrières puis je parle de jeux vidéo. En général. C'est ça. Mais c'est sûr que je trippe sur le rétro. Donc, même quand je vais parler de choses plus récentes, je vais faire des liens souvent c'est avec ça. Des trucs rétro. Le trois quarts du temps, il y a quelque chose au moins de rétro dans ta chronique. Ben, c'est ça, exactement. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Très simple, on va parler de quelque chose qui a occupé ma semaine pendant les vacances des fêtes, c'est-à-dire AGDQ 2016, Awesome Games Done Quick, oui. 2016. C'est pas DQ comme Dairy Queen. Non, vraiment pas. Ça a peut-être occupé ton temps aussi, mais ça, on n'en parlera pas à radio parce que ça n'a rien à voir. Ouais, ben ouais, c'est ça. T'as le droit. Ouais. C'est fermé, Dairy Queen, l'hiver, de toute façon. Oui, effectivement. Mais de toute façon, qui a le goût de manger une grosse molle en plein mois de janvier? As-tu goûté à leur tarte? Non. Aux pommes? Non. Chaude? Non. La crème glacée, t'es cœurant. C'est tellement bon. Je te crois. Chez Dairy Queen. Il y a ça chez Dairy Queen. Tu en passes un papier. OK. Ah mais ouais. Tu m'apprends de quoi, là? Moi, je t'avais dit qu'on parlerait pas de Dairy Queen, mais finalement... Non, mais c'est vrai que l'important, moi, c'est qu'on arrête de parler de Powerball. Là. Ça, je suis tanné. Oh, sérieux? Hey, une chance sur 230 millions. Quelque chose dans ce genre-là. 280, en tout cas, bref. Une chance sur 230 millions. C'est incroyable. C'est énorme. Incroyable. Puis il disait que sur Facebook, si tu divisais le montant du Powerball divisé par le nombre de gens qui sont aux États-Unis, tout le monde aurait 4,3 millions de dollars. Tout le monde aux États-Unis. Genre. Ouais, que c'est ça. Sauf que sauf que ça, c'est quelqu'un qui s'est réellement pas compté. Ouais, j'imagine. C'est ça. Fais le calcul, calculatrice, puis c'est pas 4,33 millions, c'est 4,33 $. Et crime, c'est comme pas tellement proche. Non, c'est vraiment... La personne qui a parti ça, là, okay. Sérieusement, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui offrir certains soins d'ordre psychologique? Moi qui pensais qu'il y avait seulement l'inspecteur viral qui défaisait des mythes sur Facebook. Ben non. Samuel Girard aussi. Ben non, fais le calcul de c'est quoi, c'est 1,5 milliard le prix divisé par 350 millions d'habitants et tu vas voir que ça fait pas du tout 4,33 millions. Wow, chance que t'es là. Mais tu vois que comme dans la plupart de nos chroniques, c'est rare qu'on se rende droit au but. Il faut qu'on fasse des parenthèses. Exact. C'est ça. Exactement. Ça n'a rien à voir avec ton sujet. Pas tout. C'est le fun. C'est ça, c'est fou. Hey, c'est des parenthèses après parenthèses. C'est des parenthèses. C'est des chroniques de 38 minutes, 47 minutes. Et avec c'est... 5 minutes de contenu. C'est ça. Oh. Bienvenue à C'est fou. Dans vos oreilles. Hey, ça part vraiment bien. J'aime ça. On part en force l'année. Awesome Games Done Quick. Oui. Donc, ça a eu lieu du 3 au 10 janvier 2016. Streaming 24 heures sur 24 sur Twitch. Wow. Twitch que j'ai parlé en plus avant les fêtes. Oui, t'as une chaîne Twitch aussi. Oui. Tout nouveau depuis le temps des fêtes. Oui. Donc, c'est ça. Et j'ai hosté Awesome Games Done Quick sur ma chaîne. Malade, ça. Donc, pendant cette semaine-là, si vous alliez sur mon Twitch, eh bien, ça donne que c'était Awesome Games Done Quick qui jouait. Génial. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va partager la bonne nouvelle. Voilà. Donc, en fait, c'est ça que ça. Donc, c'est on invite d'excellents joueurs qui se démarquent sur Twitch en termes de record de vitesse pour les jeux. On va chercher les meilleurs au monde. On les amène au même endroit. Ils se louent une salle, je crois, dans un hôtel. Okay. Ils s'installent un setup, donc 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Des snacks partout. Et ils nous passent plein de jeux. Comme en ça. Bloc thématique, en gros. Oui, ben oui. C'est, en fait, ma chronique, c'est que je parle des blocs thématiques, justement. Voilà. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça phénoménal. Et je tiens à vous rappeler que c'est, tout ça s'est fait dans le but de ramasser de l'argent pour la Fondation de prévention du cancer. C'est pas juste pour jouer à des jeux vidéo pour s'amuser. Exactement, il y a une cause à ça. Donc je m'installe la première journée. Je connais pas l'horaire, mais je me dis tiens, on va commencer. La première journée commençait vraiment, mais vraiment forte. Donc, Splatoon, oh. Super Monkey Ball, hey. Rayman Legends, ah. Kirby 64, Kirby Squeak Squad, Diddy Kong Racing, Super Mario Kart, Super Mario 64, qui était mon meilleur moment de la première journée, une course à 3. Ah oui? Oui. Et le gagnant l'a fait en 1h42, c'est 120 étoiles. Incroyable. Ah, c'était fait en direct, je vous le rappelle, et il n'y a pas de tool assisted speedrun. C'est ça, il reprend pas chaque partie pour pas mourir, là. C'est vraiment, exactement. Comme un vrai joueur. Ensuite, on a eu une petite démonstration de Super Mario 64 en multiplayer. Okay. Donc, ils ont fait le tour à 16 étoiles. Donc, ça, c'est spécial. Mm-hmm. Ça, c'est Mario et Luigi en même temps, en co-op, okay. qui ramassent des étoiles. Ouais. Je trouve ça vraiment bien. Et ils ont terminé ça avec Fire Emblem. Okay. Donc, ça, j'ai écouté ça. Rôle, ça. Donc, j'étais pas mal toute la journée là-dessus. En fait, je branchais ça sur ma télévision. Je laissais ça jouer pendant que je faisais mes choses, puis je regardais de temps en temps. C'est ça, t'as pas besoin d'être focusé tout le temps sur le non, jeu. Quand il y a un moment fort ou le fun, j'imagine que soit le public applaudit ou les, exact. Les gens capotent comme un peu. Non, mais comme mettons, j'y annonçais Super Mario 64, je me suis installé ouais. et je l'ai écouté au complet. Mais est-ce qu'il y avait des heures déterminées, mettons à 3 à 15 heures, mettons, c'était tel jeu ou c'était oui. quand l'autre finit? Non. Oui, gars, je lis cet exemple, Super Mario 64 à 9h06 PM, une durée de 1h48 estimée, avec un temps de préparation de 28 minutes. Ok, entre chaque bloc, il y a des petits temps de reset. Oui. De je suis content, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des entrevues avec les joueurs. Comme ça, il n'y a pas de temps mort. Fait que c'est ça. Pour le il n'y en a pas trop. Ouais. Pas trop. Okay. Mais c'est ça. Oui, des fois, ça bug. Ils sont pas capables de partir ou de streamer le jeu. Ou, ça arrive. C'est ça. Il faut qu'ils changent un fil, il faut qu'ils essayent d'autres choses. Puis, en tout cas. Le CD graffiné. Non, ça arrive. Sauf dans cassette. Ouais, ça arrive pas. D'habitude, tout est testé d'avance, ouais. quand même. Ils ont des training rooms. Donc ça, c'est pour la première journée. Je trouvais que ça commençait vraiment en force. La deuxième journée était marquée par un bloc Disney. OK, c'est tout à fait différent. Hein? Puis, non, mais sérieusement, c'était bien. En tout cas, pour moi, c'était parfait. OK, c'est pas genre Hannah Montana The Game. Puis, Non. Super Star Wars, The Magical Quest Starring Mickey Mouse, Disney's Aladdin, The Lion King, Goof Troop, et ils ont terminé ça avec Kingdom Hearts. OK, quand même, oui, Kingdom Hearts, culte comme jeu, comme oui. série de jeux. Oui, et j'ai remarqué que j'ai toujours pas joué à Kingdom Hearts, et là, je me le cherche pour pouvoir jouer. Oui. Le jeu a l'air trop parfait. c'est le mélange de style Final Fantasy avec du style Goofy exact, et Mickey Mouse. Exact, avec ouais. t'sais, role-play game, c'est exactement ouais. le jeu que j'aime, ça a l'air léger. C'est un bon défi, je veux jouer. Ouais. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et pour faire référence un petit peu au thème, donc cette soirée-là, c'est terminé avec le jeu Velocity 2X. Dont on écoute la trame sonore en ce moment. Exactement. Sérieusement, je connaissais pas ce jeu-là. Ok, c'est un jeu récent, mais qui est fait avec un format rétro. Okay. Donc c'est du 2D. Ouais. T'alternes entre « t'es un vaisseau » et tu te promènes dans un niveau avec différents obstacles et tu dois ramasser des objets. Okay. Et à un moment donné, avec ton vaisseau, t'atterris comme d'une espèce de station. Et là, ça tombe un 2D au lieu d'être une vue de dessus avec le vaisseau. Mais là, c'est une vue gauche-droite pour te déplacer ton personnage à grande vitesse, à ramasser des objets encore, à éviter les obstacles. Ah. Et tu te promènes comme ça et plus ça avance, plus c'est difficile. Un peu comme une course, mais sans avoir de but nécessairement à la fin ou tu dois quand même te rendre à une ligne d'arrivée si, en évitant les... Non, il y a une ligne d'arrivée. Une ligne d'arrivée, okay. C'est ça. Puis là, quand tu ressors, ben, là, tu renverses ton vaisseau et là, tu retombes dans un niveau avec le vaisseau. Okay. Et ça se promène comme ça. Le jeu a de l'air vraiment bien. Mm-hmm. Je veux jouer. C'est ma surprise de la semaine. J'ai dit, c'est quoi ce jeu-là? Puis tout d'un coup, quelqu'un me le joue en pleine face. J'ai dit, wow! Puis en s'appelant Velocity, c'est vraiment très, très rapide. Tu dois vraiment avoir comme l'adrénaline d'avancer c'est à pleine vitesse. C'est extrêmement rapide. Ouais. Sérieusement, un genre de F-Zero presque. F-Zero, c'est super rapide. Oui, là. Exact. Ouais. Ben, c'est un peu le même principe au mais niveau vitesse. Sans compétition avec d'autres c'est véhicules. Ça. Faut que tu connaisses les niveaux par cœur avant de les avoir. C'est ça. Parce que t'arrives tellement vite, tu rentres dans l'obstacle. Ouais. Et le jeu est fait en fonction de tout. Tu recommences pas au début du niveau. Tu recommences en avant de l'obstacle que t'as manqué. OK. Fait que Disons que même si tu meurs beaucoup dans ce jeu-là, c'est pas une perte de temps. Ok. Parce que tu recommences ou t'es mort. Quand tu repars, est-ce que tu reprends ta vitesse tranquillement? Ben, faut que tu reprennes ta vitesse tranquillement. C'est ça, okay. Mais souvent, les obstacles sont faits pour pouvoir être évités même à basse vitesse. Okay. Donc, quand même, c'est juste que le but du jeu, c'est d'aller vite. Et c'est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. Ah, ok. Mais dit-on sur YouTube. Merci. Felicity 2X. Ouais. Ça fait pleinement du sens. Troisième journée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un bloc de indie games. Ah. Donc, Battle Block Theater, Ori and the Blind Forest, Velocity 2X, Super Time Force Ultra, Fez, Axiom, Verge, il y a Hotline Miami, qui est extrêmement difficile, celui-là je le connais, il y a EG, Hero Core, ensuite Tesla Grad, A Hat in Time, Cloud Build, Kero Blaster, Snapshot, Spelunky. Je me demandais si elle allait avoir Five Nights at Freddy's, le gros succès en ce moment, mais un jeu d'horreur pour quelque chose comme ça, c'est peut-être un petit peu moins, ouais, petit peu moins approprié. Ben c'est ça. Mais ils ont fait un bloc horreur. Ok, excuse-moi. Okay, non, mais je pense qu'il est pas là-dedans. Ok. Mais okay. C'est ça. Mais je vais regarder, je me rappelle pas les titres des jeux, mais ils ont fait un bloc horreur. Intéressant, il est très genre cool. Pour la nuit, quelque chose comme ça. Oui, je l'ai manqué parce qu'il était justement pendant la nuit. C'est ça. Eh bien, c'est intéressant. Le seul que je connais vraiment beaucoup, à part Hotline Miami, je sais que c'est un jeu récent qui veut donner l'apparence d'un jeu rétro, style Grand Theft Auto. Exactement, okay. Les vieux Grand Theft Auto. Oui, c'est ça. Ceux qui sont vus de dessus. Exact. Je connaissais Fez. Ok. Petit jeu vraiment cool, super, super graphique rétro, encore une fois récent comme jeu, où tu vires le monde de côté comme si c'était un cube, tu vires les choses de bord pour résoudre des puzzles. Vraiment cool, Fez. Mais c'est ça, mais la raison pour laquelle j'ai pris le temps de nommer toute la liste des jeux comme ça, c'est que les jeux indie, souvent, là, c'est eux qui répondent le plus à la demande de ce qu'un gamer veut avoir. Exactement. C'est fait par des gamers. Exact. C'est ça. Donc, ça, c'est sûrement tous des jeux où tu peux trouver à ton compte et qui ont un style rétro souvent. C'est bien, bien gros la mode dans les jeux vidéo en ce moment. Oui. Le 8-bit style. Et j'aime ça. Moi aussi. Hein? C'est quelque chose que j'aime dans la vie, c'est bien ça. Puis le chiptune. Ouh, c'est bien ça. La journée s'est terminée avec Metroid Fusion, Metroid Prime, The Legend of Zelda et la perfection. Metroid, Super Metroid, joué avec deux joueurs et une manette. Donc, sur la même manette. Ouais, donc comment? Un joueur tenait la manette avec les boutons là, A, B, X, Y. C'est une manette de Super Nintendo. Oui, manette de Super Nintendo. Et l'autre avec son autre main s'occupe des flèches et de la gâchette gauche. Personne sur le Start Select. Ben là, franchement. Excuse-moi. Le but c'était de faire un speedrun, pas de faire pause à tout bout de champ pour aller aux toilettes. Là. Okay? Mais sérieusement, là, les deux joueurs de se coordonner à la perfection comme ça, là, tout en allant vite. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment spectaculaire et je pense que c'est un concept qu'ils vont répéter parce que les gens ont vraiment aimé ça. Et souvent, ça, c'est des bonus qu'ils faisaient et ils disaient, mettons, pendant Metroid Fusion et Metroid Prime, ils disaient, si on ramasse 2000$ pendant ces deux jeux-là, eh bien, on rajoute le bonus de Metroid fait avec deux joueurs et une manette. Et là, les gens donnaient de l'argent à ce moment-là parce qu'ils voulaient voir ça. Mm-hmm. Ça, je trouve ça bien comme façon de procéder. Ils donnaient par Twitch. C'est ça? Site web. Non, ils ont vraiment un site, okay. Pour faire des dons comme ça. Parce que tu peux faire des dons sur Twitch aussi. Oui, mais là, c'est pas par là. Okay. Ils ont comme un site qui gère ça, où c'est que tu écris ton message et tu peux cocher aussi vers quoi tu veux que ton don aille. Ah. Parce que justement, quelqu'un qui voulait donner un don, mais qui voulait pas le donner pour Super Metroid, mais c'est ça, il avait pas besoin de le faire. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui voulait cocher ça, parce qu'il voulait que ce soit pour ça que son argent aille pour le voir, ben il pouvait le faire. Ouais. Fait que c'est plus complexe un peu. Fait que c'est pour ça qu'il y a un autre site pour ça. Comme moi, j'ai donné pour deux choses que je voulais voir. Donc, tu as donné pour quoi, mettons? Est-ce que c'est des choses que tu as mentionnées? J'ai donné pendant les runs de Mario. Ah, cool. Donc, c'est ça. J'aurais fait la même chose. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Donc, il y avait une run de Sonic, mais ça, c'était pas assez intéressant pour moi. Après ça, il y a eu le Block Shooter. Donc, on a eu Half-Life 2, Portal 2. Il y a eu Alien Swarm, The Talos Principle, Rack et Wolfenstein The Old Blood. Ah, il y a eu aussi Tag, The Power of Paint. Ça, pas du tout surprenamment, j'en connais aucun. C'est pas mon bloc ben ça. Ouais, c'est ça. Étonnamment, il y a un bloc qui m'a fait lever extrêmement tôt pendant mes vacances. Je me suis levé à 7h30 pour regarder le bloc de Sonic. Ah, cool! Mais oui. Donc, Sonic Advance, Sonic Advance 3 et Sonic Lost World. Les Sonic Advance, c'est spécial. Par contre, c'est des jeux sur Game Boy Advance. Ils montent sur grand écran. Ça doit être super bizarre de voir ça sur grand écran. tout pixelisé. Ben non, c'est pas si pire. Non, pas si pire. Non, parce qu'ils ont comme une bébelle sur le GameCube. Le Game Boy Player. C'est ça, mais c'est là-dessus qu'ils ont joué. Cool. Et ça a bien sorti. Super ça. Donc j'ai trouvé ça bien. Un des blocs que j'ai vraiment adoré, le bloc NES. Ouais. Donc le bloc NES qui a commencé, après le bloc de Sonic. Donc Strider, Battle Kid 2 Mountain of Torment. Est-ce que tu as déjà joué à ça? Non. Ça a l'air extrêmement difficile, mais le jeu est vraiment, vraiment bon. Ah. Un petit jeu de NES très simple où tu fais des puzzles, puis c'est tout du timing pour éviter les obstacles. Cool. J'ai trouvé ça vraiment bien comme jeu. Gimmick, Teenage Mutant Ninja Turtle, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3, Batman de Video Game, Blaster Master, Battletoads. Ah, Battletoads, un des jeux les plus difficiles sur la NES. Exact. Ouais. Encore plus spectaculaire, on pouvait payer pour que le joueur, le Mexican Runner, fasse le troisième niveau, les yeux bandés. Ça, c'est celui où on avance, puis que genre, ça avance tout seul, ou quelque chose comme ça? C'est celui où t'embarques sur le petit véhicule, puis il faut que t'évites les obstacles. C'est ce que je pensais. Okay, c'est ouais. Celui-là. Ouais, le classique. Finalement. Le niveau impossible. Ouais. Que moi, en tout cas, je suis pas capable de le passer. C'est le troisième tableau. C'est le troisième tableau. Et lui, il l'a fait les yeux bandés. Incroyable. J'ai trouvé ça fantastique. Le premier coup? Non. Il a perdu toutes ses vies. Okay. Il était game over comme juste avant finir, malheureusement. Mais il reste qu'il l'a fait pareil. OK, ouais. C'est ça. Puis après ça, mais là, il a enlevé le bandage quand il était game over. Il a pris le warp pour apparaître à cet endroit-là. Puis il l'a fini. Puis après ça, il l'a fait du premier coup. Ouais. Du premier coup. C'est ça. Il y a du monde qui a du temps. Exactement. Ouais. Et ensuite, il y a eu les Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, que j'ai adoré. C'était vraiment parfait. Avec le Donkey Kong Country, n'importe quel pourcentage, et Donkey Kong Country 2, 102%. Ils ont pas fait le 3. Non, c'est pas cette année. C'est mon préf. Hey. Bon, le 3, c'est mon préf. Okay. De loin. Ok. Ah oui, je te jure. Même pas sarcastique. Désolé, cette année, ils l'ont pas fait. Peut-être l'année prochaine. Peut-être. C'est ça. Ensuite, Block Mario 2D. Ok. Kaizo Mario Bros 3. Bof. Je le connaissais pas celui-là. Le gars l'a réussi sans save state de même en 30 minutes. Explique-nous le principe du Kaizo. Kaizo, c'est un créateur de jeu qui modifie le jeu de manière à tout utiliser les mécaniques du jeu que les créateurs n'ont pas utilisé pour Mario Bros 3. Donc c'est le Mario Bros 3 au NES et chaque niveau est fait pour être extrêmement difficile. Chaque power-up, tu dois les perdre à un endroit spécifique pour pouvoir progresser. Si tu le perds avant, t'es fait. Okay. Et tu finis toujours en petit Mario à la fin. C'est fait comme ça. Le bout le plus difficile, j'imagine, à la fin, en petit Mario. Non. C'est plus qu'à la fin, ils te font atterrir sur un obstacle pour finir petit. Puis là, souvent, tu dois passer dans un petit gap à la fin pour aller pogner le bloc avec un des trois objets. C'est drôle. C'est ça. Très spectaculaire comme run. Puis vraiment, là, celui qui fait les jeux de Kaizo, j'ai rien à redire sur ses conceptions de niveau. Tous les blocs sont placés pile à la bonne place. Les timings sont tous à la perfection. Il nous force à utiliser le frog suit. Ouais. Mais le détestable habit grenouille. Oui, mais c'est le seul que j'ai vu l'utiliser correctement. OK. C'est un niveau sous l'eau. Un moment donné, il te fait remonter à la surface. Et là, tu as des espèces de sauts de crapaud à faire pour éviter les obstacles. Mais le saut de crapaud est fait pour que tu tombes tout à pile à la bonne place. C'est le seul que j'ai vu utiliser le saut de crapaud comme il est censé être fait. Nintendo a jamais réussi à comprendre comment utiliser le... Non, même pas. Il y a juste genre comme deux, trois tableaux genre où vraiment la bigrenouille est comme le fun à avoir, mais en même temps, t'en as pas c'est besoin. Ça. Mais ils font pas utiliser le plein potentiel de la bigrenouille, contrairement à lui dans ce jeu-là. Mais là, en parlant de Kaizo et Mario Bros 3, est-ce qu'il y a façon de revoir ces extraits-là sur Twitch ou ailleurs? Chaque segment que je vous nomme, et même ceux que je ne nomme pas, si vous tapez ça sur YouTube, ils vont être disponibles. Archivés. Eux, tout est enregistré, c'est archivé par jour. Génial, c'est ce que je voulais entendre. Donc, vous avez juste à écrire AGDQ 2016, vous allez toutes les trouver. Génial. Donc, c'est tout sur une page Facebook, une page YouTube, pardon. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Il y a eu Kaizo Mario Bros 3. Ensuite, il y a eu Mario Bros 3, Super Mario Bros 3, Super Mario Maker, Super Mario World, donc avec glitché et les 96 sorties. Et ils ont terminé avec Super Mario World 2 Yoshi's Island. Wow. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, histoire de rire un peu, où est-ce que c'est... Ah! Le bloc Awful Games Done Quick. Okay. Donc, je sais pas si tu connais des jeux là-dedans, mais ils ont joué Lagoon, Lester, The Unlikely, Low G Man, The Low Gravity Man. Ça, c'est sûrement juste pour le titre qu'ils l'ont mis là. Ouais. Rocky and Bullwinkle, Shinobi, King of Kings, The Early Years, Indiana Jones and the Temple of Doom, Hudson Hawk, Escape from Atlantis, je vais essayer de le dire du premier coup, Uturun Desu, Kawaso, Hawaii et Iku. Excusez pour la prononciation. Johnny Bazookatone, Alpha Xylon, et pour terminer, Animorphs. Je connais aucun. Ok, mais moi non plus. Mais c'est tous des jeux qui sont atroces à jouer. C'est ça. C'est ça, pas passé à l'histoire aussi. Hein. C'est ça le concept. Ensuite, j'étais rendu... le bloc Castlevania. Donc, là, on est rendu à la cinquième journée. Donc, ils ont fait Castlevania, Castlevania 3, Super Castlevania 4, Castlevania Bloodlines et Castlevania Symphony of the Night. Ensuite, il y a eu Super Punch-Out. Et Mike Tyson's Punch-Out. Mike Tyson's Punch-Out a été fait les yeux bandés, une course à deux. Ah! Et il pouvait rien voir. C'est le fun en plus qu'il ait pris la version avec Mike Tyson et non pas la version avec l'autre. Je sais pas qui. Dream, Mr. Dream, quelque chose, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, mais c'était vraiment impressionnant de voir les deux joueurs. Puis ils étaient vraiment concentrés parce que ils ont juste les sons comme cue pour se repositionner. Et il y a vraiment les sons sont à des endroits spécifiques où tu peux vraiment timer tes affaires. Les sons sont, sont pas n'importe comment dans le jeu. Ben, tu sais, mettons un exemple, l'ennemi se craint, qui va avoir un son, il va donner un coup, tu vas avoir le son du coup. Fait que là, tu te synchronises un peu avec ça pour toi placer tes coups. Tu le sais quand est-ce que t'es en train de manger une volée. Puis. Fait que c'est ça, t'entends la cloche, la fin du round. T'sais. Fait qu'ils se guidaient tout là-dessus. Ouais. Puis c'était vraiment impressionnant. Il y a eu une démonstration de Stepmania, donc avec les quatre flèches, là. Oui. Dans le fond, Dungeons Revolution, mais sur clavier. Oui. Ils ont fait jouer quelqu'un des chansons impossibles. Je voyais même pas les flèches passer, puis la personne... Non, j'ai déjà essayé de jouer à ça, puis ça se fait pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est incroyable. J'ai pas le rythme dans le sang, faut croire. Le bloc Megaman X, donc ils ont joué Megaman X, Megaman Zero et Megaman ZX. Donc c'était bien, il y a eu aussi Halo 4. Mais si j'ai pas regardé, je veux me le garder quand moi je vais jouer. Ah, ok. C'est ça. Dans la nuit de vendredi, écoute, c'est dommage, je devais dormir. Ah! Ouais, c'est ça. Pas chanceux, hein. Paper Mario, Blast Corps, Star Fox 64, Banjo-Kazooie, Secret of Mana, Teenage Mutant, Ninja Turtle 4, Turtles in Time. Tu prendras pas le temps d'aller sur YouTube regarder ces archives-là. Ben non, mais ça, je vais aller les voir. Ah oui? Mais je veux dire, j'ai pas fait une nuit blanche pour regarder ce bloc-là. Quand même. Donc c'est ça, après ça, il y a une démonstration de Diablo. Diablo 2. Ensuite, démonstration de Pokémon avec plein de glitches qu'on pouvait faire. Donc, il y a eu le Final Fantasy. Après ça, il y a eu le bloc Megaman. Donc, Rockman 4 BCAS. Megaman 10, Megaman 9, Megaman 6, Megaman 2. Ensuite, on est retourné avec Mario Bros. Donc, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2. Je pense que c'est les Lost Levels. Ah, ok. Et non le 2. La version japonaise. Ouais, c'est ça. Ouais. Après ça, il y a eu un bloc phénoménal. Donc, Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest en 1h40 et de Legend of Zelda Majora's Mask en 5h30. Mais ça, c'est pas beaucoup comparé à ce que ça prend d'habitude. Exactement. Ouais. Et ça, c'est dommage, ils l'ont commencé à minuit le soir. Ouf. Donc, j'ai écouté une heure et je me suis endormi. Ouais, hein. Ça, c'est triste. C'est pas parce que c'était plate. Non, c'est vraiment pas. J'ai toffé le plus que j'ai pu. Ensuite, ils ont fait Super Mario Galaxy à 5h du matin. Ah, cool. Ouais, en 2h40. Wow. Ça pourrait être intéressant pour toi. Oui, 2h40, c'est pas beaucoup. Ouais, je me suis réveillé le samedi avec le bloc PlayStation, donc Crash Bandicoot et Spyro the Dragon. Spyro the Dragon avant qu'il devienne un jouet pour enfants dans... Ouais, c'est avec ça. Avec les petites figurines. Dans le temps, c'était cool, Spyro the Dragon. Ouais, c'est ça. Il y a eu une démonstration de Shovel Knight. Ah ouais, c'est jeu indie, ça, quand même. Oui, mais c'est excellent. Ouais. J'ai fait le tour avec un de mes amis l'autre jour. On s'est dit en courbe, on va s'aider, puis c'est parfait. Il y a comme jeu. Avec la petite pelle. Exact. Ouais. De le Shovel Knight. Ben voilà. Mario Kart 8, Mario Kart 64. Et après ça, on est tombé avec les TazBot. Donc, des démonstrations de Tool Assisted Speedrun, démonstrations de glitch, Twitch Plays, quelque chose. Okay. Donc, se sont amusés avec ça. Ça, c'est un peu n'importe quoi. Ils ont terminé le samedi avec Super Metroid, Final Fantasy IV, une démonstration de Bloodborne, Legend of Zelda, Link to the Past. Okay. Donc, samedi finissait bien. Les restants, si on veut. Ouais. Parce que le Zelda aurait pu être dans le bloc Zelda. Ben c'est ça. Fait que j'imagine qu'ils ont comme comblé le temps qui restait à la fin. Ouais, et ce que les gens voulaient aussi, parce que des tours assistés de speedrun et des Twitch plays, c'est pas quelque chose qui est mainstream dans le jeu vidéo, mettons. J'ai pas regardé ce bloc-là. C'est ça. Ça m'intéressait pas. Tu vois juste des gens faire des démonstrations puis faire glitcher les jeux. Je fais bon, ok, on va les laisser s'amuser. Puis il y a plein de gens qui ont fait des dons pour avoir tel glitch, telle affaire. Il y a un public pour ça, ouais. Tant mieux. Ils sont bien amusés avec ça. Au total, c'est là la partie intéressante, combien est-ce que AGDQ 2016 a ramassé d'argent pour la fondation pour la prévention du cancer. C'est-tu quelques milliards comme le Powerball? Non, non. Quand même. Est-ce que c'est le nombre de millions que les gens vont avoir aux États-Unis, comme on a dit au début de la chronique? Non. Qui est faux complètement. Non, mais quand même. 1,2 million. C'est bien. Que les gamers de ce monde ont ramassé pour aider à prévenir les cancers. Donc, c'est beaucoup axé sur la prévention. Mm-hmm. Donc, comment le détecter le plus vite possible pour éviter justement que quelqu'un développe un cancer. Éviter de glitcher votre propre personne. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je trouve ça vraiment bien. Ils font ça depuis plusieurs années, à chaque année. Ils ont aussi Summer Games Done Quick, où là, ils ramassent de l'argent pour les médecins sans frontières. Donc, les médecins qui se déplacent partout sur la planète pour aller aider des gens où leur médecine est moins évoluée. Donc, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas Awesome dans le titre l'été que c'est pas Awesome l'été. Non, c'est ça, exactement. C'est, ça. Ouais. C'est juste qu'ils ont fait autre chose. Beaucoup des jeux, c'est les courses. Ça, j'adore le concept depuis qu'ils font ça. Donc, ils prennent les trois meilleurs sur Twitch, mettons, pour un jeu, puis ils font s'affronter. Ah. C'est phénoménal. Donc, l'horaire est tout le temps disponible sur le site Games Done Quick. Vous pouvez aussi regarder le streaming en direct sur ce site-là. Et c'est le site aussi pour faire des dons. Okay. Ça se passe, évidemment, début janvier. Donc, je pense que c'est toute la première semaine de janvier pour Awesome Games Done Quick. Vous ne faites pas les dons après l'événement? C'est fini? Non, c'est fini. Okay. Quand c'est ça. Donc, c'est ça. Mais vous pouvez continuer à aller voir pareil. Et évidemment, plus on en... Comme moi, c'est comme ça. On me faisait aller voir des vidéos de ça sur YouTube des mois plus tard. Puis là, ben, je suis rendu que je l'écoute en direct et je fais des dons au courant de la semaine. Ça commence comme ça. Exact. Je trouve ça vraiment bien. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent aller là faire une bonne cause. Et il y a même des gamers là-dedans que quand tu joues sur Twitch, tu peux te faire payer. Mm-hmm. Les gens font des dons. Et il y en a qui ramassent des dons. Et ils font un don, à un moment donné, de 5 000 $ pendant un stream d'un jeu. Puis tu vois que c'est quelqu'un que v'là 2 heures, c'était lui qui était en train de jouer. Puis après ça, il est allé dans ses affaires, puis paf, il sort un don gigantesque avec l'argent qu'il a fait sur Twitch. C'est le fun. Je trouve ça vraiment bien. Donc, c'est une belle cause. C'est un beau geste. Pour les gamers, c'est une semaine mémorable. Donc, moi, j'ai regardé ça en masse. J'avais toujours ça. J'ai regardé mes jeux préférés. Je me suis amusé. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont regardé ça. Puis là, on s'écrivait. Puis on se disait, hey, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait dans ce jeu-là? Puis c'était beaucoup de plaisir. Je vais aller en rattraper quelques-uns d'après moi. Donc, c'est Mario Galaxy. Là. C'est ça, je voulais commencer l'année en parlant de ça. Je trouvais que c'était merveilleux. Une bonne course. Ben oui, fait que c'est ce qui complète ma première chronique pour 2016. Merci Samuel Girard. On a des plugs à faire en cette fin de chronique. Donc on te retrouve évidemment dans 2 semaines ici au Mathieu Plante Show avec une chronique de jeux vidéo. Oui. C'est vers les 15h le mercredi. Ensuite, le jeudi matin, à Génie en Liberté à partir de la semaine prochaine. Oui, ça reprend à partir de 9h30. Oui, 9h30. Avec Steph. Exactement, toujours la même équipe, mais format un peu différent. Donc, c'est le contexte a changé, on a un peu moins de temps à consacrer à ça, mais on va faire un format quand même autant dynamique, ça va juste être différent un petit peu au niveau des choix des sujets. Exactement, toujours aussi écoutable, comme on dit. Mais c'est certain, c'est sûr. Mais pas de quoi pas écoutable, c'est... parce que je m'écoute pendant que je fais l'émission. Ça serait honteux un peu. Ouais, c'est ça. On est forcé à allumer avec des écouteurs. Pas notre faute, on doit s'écouter. Ben oui, mais c'est bien. Et finalement, les lundis, à Assemblage requis, tu t'es rajouté ça en plus ben cette année. Ben oui. Pourquoi pas, tu nous parles de politique d'actualité un peu. Exactement. Ouais, tout ce qui m'accroche, ben j'aime s'en parler. Ah, et finalement, tu me l'as dit tantôt, t'as bien fait, Matière noire les mardis soirs. Oui, exactement. Voilà. C'était à quelle heure, 20 ans? C'est à 21h. 21h, excuse-moi. Ouais, 21h à 23h. Sif.ca pour l'horaire complet de tout ça. On va mettre la face de Samuel sur chacune des cases qu'il va faire. Salut. Coucou! Ça serait drôle, par contre. Sif.ca pour donc la programmation complète. Merci encore, Samuel Girard. Ça fait plaisir. Bonne fin d'émission. Merci beaucoup. On se quitte évidemment avec la trame sonore que j'ai dit qu'on écoutait tantôt. C'est celle de Velocity 2X sur PlayStation 4 et Vita. Et on se retrouve après la pause avec Television. Fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. In the Snow, Imaginary and Wise Blood par Just Been Warp Zone, d'où Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Television, Television. Télévision, la chronique dans laquelle on parle de télévision. Évidemment, depuis qu'on n'a pas fait d'émission depuis la mi-décembre, en direct en tout cas, on a plein de nouvelles à rattraper, un bon 3 semaines. Allons-y avec le Québec. Et étrangement, en 3 semaines, une seule nouvelle m'a intéressé au Québec. C'est celle de Edith Cochrane qui va tenir le rôle principal dans la version québécoise de la série humoristique américaine Web Therapy. C'est TV5 qui va proposer à compter de juin prochain Web Therapy. Évidemment, eux, les Français, utilisent tout le temps les termes en anglais ou l'ordre des mots en anglais. Web Therapy qui racontera l'histoire de Florence Champagne, une femme issue du monde de la finance. Comme elle se plaît elle-même à le dire, Florence décide du jour au lendemain de lancer une thérapie en ligne, des mini-séances de 3 minutes où parler de son enfance, de ses rêves et de ses émotions est superflu et même rigoureusement interdit. La version originale a été créée par l'actrice Lisa Kudrow, qu'on connaît pour Friends, entre amis, qui interprète également le personnage principal. Au fil des saisons, de nombreuses personnalités connues ont participé à la thérapie, notamment Meryl Streep, Rosie O'Donnell, Conan O'Brien et Courtney Cox. La version québécoise accueillera elle aussi plusieurs invités, la participation de Pierre Brassard, Olivier Morin, Marie-Soleil Dion, Diane Lavallée, Stéphane Archambault, Anne-Marie Cadieux, Antoine Vézina, Pascal Bussière et Sarah-Jeanne Labrosse, ayant été confirmées pour la première saison. Et le tournage aura lieu à Montréal en février. Feu vert maintenant aux États-Unis pour la série The Windsors. La chaîne britannique, oui, Channel 4, a donné son feu vert à la nouvelle série The Windsors, apprend-on de Deadline.com. L'intrigue s'inspira des vies et amours de la famille royale britannique. Le site précise que ce nouveau programme sera une fiction, mais inspiré de faits réels. Composé de 6 épisodes, la série sera écrite par Bert Tyler Moore et George Jeffrey, qu'on connaît de Star Stories et Pete vs. Life. La production débutera l'année prochaine. C'est pas la première fois que la famille royale britannique inspire le petit ou grand écran, entre autres la série The Royals avec Elizabeth Hurley qui est présentement aux États-Unis sur la chaîne E. Ensuite, 3 projets sont actuellement en chantier à Hollywood autour de la tragédie romantique de William Shakespeare, Roméo et Juliette. À la série d'ABC au film de Lionsgate s'ajoute désormais une nouvelle déclinaison télévisée préparée par Fox. Plus de 400 ans après sa parution, Roméo et Juliette reste une référence qui ne cesse d'inspirer le petit et le grand écran. Pour preuve, Fox tenterait de mettre sur pied une réinterprétation moderne de l'histoire d'amour entre les deux amants de Vérone. Selon Deadline.com, la chaîne troquerait la ville italienne contre Los Angeles et transformerait les Montaigu et les Capulet en Américains d'origine latino, comme West Side Story l'avait déjà imaginé à la fin des années 50. Pour coller un peu plus à la mode actuelle et notamment à son succès du moment Empire, Fox planterait le décor de sa série dans l'industrie musicale. Cette version serait mise en développement pour la saison 2016-17 et pourrait se trouver en concurrence avec le projet de ABC Star Still Crossed. Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy, Scandal et How to Get Away with Murder, façonnera la série qui se présentera comme une suite de l'œuvre de Shakespeare. Adaptée d'un roman de Melinda Taube paru en 2013, la série restera en Italie et au 16e siècle. Après la mort de Roméo et Juliette, le prince Escalus tente de mettre fin aux querelles entre les Capulet et les Montaigu en ordonnant à Benvolio, cousin et ami de Roméo, d'épouser Rosaline, la cousine de Juliette, qui est également le premier amour du héros décédé. Ensuite, plus de 400 séries diffusées en 2015 aux États-Unis. On parle donc du petit écran américain qui n'a jamais été envahi à ce point par les séries télévisées. Cette année, 409 d'entre elles ont été diffusées aux États-Unis selon une étude réalisée par la chaîne payante FX contre 181 en 2002. Pour la première fois de son histoire, la télé américaine a accueilli plus de 400 séries télévisées en une seule année. Drames, comédies et séries limitées connaissent un succès grandissant, réalisant régulièrement les meilleures audiences hors diffusion d'événements sportifs. Une passion des téléspectateurs rapidement devenue des sérivores que les chaînes ont de suite prises en compte. Depuis 2009, l'offre a progressé de 94% et alors que le marché semblait arriver à maturité, le catalogue s'est encore élargi de 9% par rapport à 2014. Depuis 2002, le paysage des séries télé a été complètement bouleversé. Évidemment, à l'époque, les chaînes nationales gratuites, les réseaux, donc composaient le plus grand vivier, proposant à elles seules 133 des 181 émissions. 13 ans plus tard, le câble s'est engouffré dans la brèche et est devenu le premier diffuseur de séries, avec 181 offres contre 147 pour les grands réseaux. L'offre payante a progressé de 484% depuis le début des années 2000. Le câble premium, qu'on appelle, englobant des chaînes comme HBO, FX, Showtime ou Stars, a connu un essor moins important, passant de 17 séries en 2002 à 37 en 2015, mais a su se faire une solide réputation dans le domaine grâce à la qualité de ses projets. Nouveaux arrivés dans ce secteur, les services de lecture en continu comme Netflix, Amazon Prime, Hulu ou Yahoo, évidemment on n'a pas les trois derniers au Canada, ont quant à eux multiplié par 22 leurs séries depuis 2009. Avec 44 émissions diffusées, l'offre dépasse désormais celle des chaînes premium. Le marché des séries télé serait-il arrivé à saturation, nous demande cet article. Avec plus de 400 émissions à suivre par année, l'offre est devenue bien plus conséquente que le temps dont disposent les téléspectateurs pour les regarder. Selon certains professionnels, le genre connaîtrait un déclin dans les prochaines années après un nouveau pic atteint entre 2016 et 2017. C'est notamment l'analyse de John Landgraf, le président du groupe FX. Le nombre important de séries ces dernières années aurait éparpillé les téléspectateurs et aurait entraîné l'arrêt de bonnes séries qui auraient pu perdurer et se laisser le temps de prospérer. Selon lui, malgré la concurrence accrue, il reste difficile de trouver une série de qualité à la télé. Le trop-plein de productions en route aurait engendré leur appauvrissement artistique, leur qualité ne pouvant pas être entièrement contrôlée par les chaînes et producteurs. Évidemment, drame, comédie et séries limitées, est-ce que ça compte les télé-réalités? Si on compte les télé-réalités, on peut en choper une bonne partie, parce que pour moi, ça compte pas tant comme des séries. James Franco est surpris avec un remake d'un film fait pour la télé. Donc il va où on ne l'attendait pas pour Lifetime, chaîne spécialisée dans les téléfilms. Il a eu l'idée de reprendre l'histoire de Mother, My Sleep with Danger, un téléfilm de 96 devenu culte au fil des années grâce à ses multiples rediffusions. Et il va en faire un remake d'un téléfilm. C'est quand même particulier. Il va participer à la production du film, attendu courant 2016 à la télé, laissant la réalisation à Melanie Aitkenhead, qui a déjà dirigé l'acteur dans l'adaptation de son roman Actors Anonymous. Selon Variety, il n'est pas impossible que la star fasse une apparition spéciale dans le nouveau téléfilm, comme Tori Spelling, qui était la vedette de l'original. Malgré l'immense succès du 7e volet de Star Wars, J.J. Abrams ne délaisse pas pour autant la télé, tremplin qui lui a permis de se faire un nom à Hollywood au milieu des années 2000. Son passage derrière la caméra pour Disney lui a permis d'accéder aux prestigieuses chaînes câblées, réputées élitistes en matière de séries. Avant de devenir le réalisateur du Réveil de la Force, J.J. Abrams, on le sait, était avant tout créateur de séries prolifiques à qui on doit donc notamment Alias, Lost ou Fringe. Même happé par le grand écran, il continue de garder un pied dans cet univers en occupant le poste de producteur pour de nombreux drames, dont Person of Interest est arrivé en 2011 sur CBS. L'année 2016 marquera un tournant dans sa carrière télévisée. pour la première fois, le touche-à-tout travaillera avec les chaînes câblées HBO et Showtime. Sur la première, il proposera Westworld, adaptation du film de science-fiction de Michael Crichton, pensé par Jonathan Nolan. Le duo est parvenu à réunir un beau casting, donc Anthony Hopkins, Ed Harris, James Marsden et Evan Rachel Wood. Avec Showtime, il a monté Roadies, une série centrée sur les techniciens d'un groupe de rock en pleine tournée. Pour ce projet, il s'est associé à un autre grand nom du cinéma, Cameron Crowe, réalisateur de Jerry Maguire, Vanilla Sky ou encore Welcome Back. Ces deux productions s'ajouteront à 11-22-63, donc 22 novembre 63, série adaptée du roman de Stephen King. Le romancier a lui aussi participé à la déclinaison de son histoire fantastique et historique, qui mettra en scène James Franco dès le 15 février prochain sur Hulu. HBO va diffuser le documentaire sur James Foley le 6 février prochain en première mondiale hors festival. Le documentaire consacré au photojournaliste américain James Foley, décapité par le groupe État islamique en août 2014, a annoncé HBO. Le film a été sélectionné par le Festival américain de cinéma de Sundance, qui se déroule du 21 au 31 janvier à Park City et sera en compétition dans la catégorie documentaire américain. Prends un petit peu d'eau, ça me dérange pas trop. Donc, The James Foley Story a été réalisé par Brian Hawkes, ami d'enfance du photojournaliste et produit par Kunhart Films. Selon le récit de témoins, James Foley a été enlevé par des hommes armés dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie, le 22 novembre 2012, alors qu'il couvrait la guerre qui ravage le pays depuis mars 2011. Fort d'une expérience de 5 ans dans les zones de guerre, James Foley travaillait en tant que pigiste pour plusieurs médias, dont l'agence France Presse et le Global Post. Le 19 août 2014, le groupe d'État islamique a revendiqué son exécution et mis en ligne une vidéo montrant un homme masqué et habillé de noir qui décapitait James Foley. Alors que le documentaire s'attache à évoquer la vie de James Foley à travers les témoignages de membres de sa famille, d'amis et de journalistes qui l'ont connu. Après le Dr House, Hugh Laurie devient le Dr Chance. L'acteur britannique rendossera la blouse blanche pour les besoins d'une nouvelle série Chance destinée à la plateforme Hulu, selon Variety. 4 ans donc après la fin de la série House MD ou encore Dr. House, Hugh Laurie est prêt à reprendre le rôle principal d'une série. Il a accepté d'incarner à nouveau un médecin. Le Britannique ne repartira pas dans une aventure similaire à celle de la chaîne Fox. Présenté comme un thriller psychologique, Chance le placera dans la peau d'un neuropsychiatre de San Francisco, aspiré dans un monde violent et dangereux où maladie mentale, erreur d'identité et corruption policière se mêlent. À la suite d'une mauvaise décision concernant un patient, Eldon Chance se retrouve dans le collimateur de son épouse, un inspecteur de police violente, un problème qui vient s'ajouter à son divorce contentieux et une fille en pleine crise d'adolescence. Hugh Laurie est la première recrue de la série, basée sur le roman du même nom de Cam Noon. Le romancier, également scénariste de la série Sons of Anarchy, a participé à son adaptation avec l'aide d'Alexander Cunningham, connu pour son travail sur Desperate Housewives. Lenny Abramson, dont le film Room est bien placé pour les Oscars, réalisant quelques épisodes. Chance débutera son tournage au printemps, dans l'espoir d'arriver d'ici la fin de l'année sur Hulu. Voilà, donc pour Hugh Laurie, l'ancien Dr. House. Jake Gyllenhaal développe une série d'anthologie pour A&E. L'acteur américain nommé aux Oscars développe une série d'anthologie pour la chaîne spécialisée dans les biographies et documentaires, selon Variety. Cette série limitée explorera chaque saison l'univers de personnalités cultes ayant marqué l'histoire des États-Unis en bien ou en mal. La toute première saison se concentrera sur Jim Jones et plus précisément sur son groupe religieux de le Temple du Peuple des Disciples du Christ, à l'origine de la plus grosse perte humaine américaine causée par un acte délibéré dont plus de 900 morts. Jusqu'aux attaques du 11 septembre 2001. Il s'agit de la première incursion de Jake Gyllenhaal dans le monde de la production de la série télé. L'acteur américain a récemment été à l'affiche de Le Gaucher et de Everest. M. Night Shyamalan déterre Tales from the Crypt. Oui, M. Night Shyamalan déterre Les Contes de la Crypte en version française. 20 ans après sa disparition de HBO, l'anthologie mêlant. C'est bien à la mode les anthologies avec American Horror Story et autres. Donc, mêlant fantastique et horreur, ça va ressusciter à la télévision américaine sur TNT. Évoqué depuis de nombreuses années, le retour de l'émission culte des années 90 est officiel. Sa résurrection se déroulera à l'automne prochain sous la houlette d'un réalisateur qui maîtrise le suspense et l'épouvante. Le réalisateur du Sixième Sens participera à la production de la nouvelle version et passera même derrière la caméra à l'occasion du premier épisode d'une durée de 2 heures, comme Robert Zemeckis ou Arnold Schwarzenegger l'ont fait avant lui. Rien n'indique encore si le remake embauchera comme présentateur le gardien de la crypte, le squelette effrayant devenu célèbre pour son humour noir, qui introduisait chaque épisode de 89 à 96. D'après moi, oui. D'après moi. J'espère, hein? Je le mentionne en bref parce que l'article est en anglais et c'est plutôt long comme article, mais TNT, la chaîne dont on parlait il y a quelques instants, prévoit réduire sa charge publicitaire dans ses nouveaux drames. On va augmenter les minutes de programmation, donc les minutes d'émission en tant que telles, de presque 10 minutes. sur TNT. On se dit que les gens ont pas envie de voir autant de pubs de nos jours, donc si on les réduit mais qu'on charge plus cher par publicité, ça pourrait aider. Donc les nouveaux drames sur TNT en 2016, dont Animal Kingdom, Good Behavior et Tales from the Crypt, dont on vient de parler, vont durer de 8 à 10 minutes de plus, donc 8 à 10 minutes de moins de publicité par heure. Kevin Riley, le Chief Creative Officer chez TNT, chez Turner Broadcasting, en fait, a fait l'annonce au Television Critics Association. TNT avait environ 17 minutes 47 de pause par heure durant le troisième quart de 2015. 17 minutes 47 de pub. Vous êtes victime de ça en regardant ces séries-là, là, si vous ne regardez pas ailleurs qu'à télé. Ça inclut les pubs nationales et locales. Aux États-Unis, il y a des heures, des publicités locales dans les blocs. TNT, donc, va réduire ça. Et c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Hein. Bon. Ensuite... on va à l'international un petit peu avec le tournage de Dropped. Une erreur de pilotage est à l'origine de l'accident. Une erreur de pilotage donc est à l'origine de cet accident d'hélicoptère survenu en mars sur le tournage en Argentine de l'émission de télé-réalité Dropped qui avait coûté la vie à plusieurs sportifs. Le facteur déclencheur de cet accident a été le défaut d'appréciation des pilotes de la proximité ou du manque de séparation de leurs aéronefs respectifs. Ce manque d'appréciation a entraîné la collision aérienne des aéronefs sans aucune tentative de manœuvre évasive ou d'évitement, dit le rapport de la Direction d'enquête des accidents de l'aviation civile. La JAAC suggère également que les nécessités de tournage auraient pu conduire les pilotes à commettre une imprudence. Je cite, il est plausible que la nécessité de réaliser des images puisse avoir amené les caméramans à influencer les pilotes ou qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent avoir les, ou qu'ils puissent avoir, voyons, c'est quoi cette phrase-là? À influencer les pilotes ou qu'ils puissent les avoir distraits. Ah, d'accord. Le rapport de 50 pages relève aussi qu'un des pilotes aurait pu être ébloui un peu avant la collision. Ce drame survenu le 9 mars lors du tournage de l'émission télé-réalité qui devait être diffusée durant l'été sur TF1 avait causé une vive émotion en France, ayant coûté la vie à la navigatrice Florence Artaud, à la championne olympique de natation Camille Moffett, au boxeur médaillé olympique Alexis Vastine et à 5 membres de l'équipe technique. Au total, l'accident avait coûté la vie à 10 personnes, 8 Français du tournage de l'émission et les deux pilotes argentins. On reste en France avec Julien Lepers qui a été remplacé à Question pour un champion. France 3 a annoncé que l'animateur Julien Lepers serait remplacé à la tête de Question pour un champion après 27 ans à la tête d'un des jeux phares de la chaîne, une annonce jugée insupportable par lui-même. Je cite, « Nous avons décidé de garder Question pour un champion avec un nouvel animateur et un nouveau décor », a annoncé la directrice de la chaîne, Dana Astier. « Je salue Julien Lepers et je lui souhaite de belles aventures. Merci pour tout ce qu'il a apporté à France 3. Il sera remplacé par Samuel Etienne. » C'est assez, assez sec. Hein? Je cite Julien Lepers, ça s'est très mal passé, je n'en dis pas plus pour le moment. Grande tristesse de devoir quitter cette émission sans avoir pu saluer les équipes, le public et les téléspectateurs. Julien Lepers avait affirmé en décembre être en discussion pour des projets futurs avec la chaîne. Son départ avait suscité de nombreuses réactions. Il devrait être remplacé, comme on l'a dit, en février par le journaliste Samuel Etienne, 44 ans, qui présentait le journal télé de la mi-journée de la chaîne jusqu'à Noël. Le jeu quotidien adapté de format britannique a été regardé par 1,48 million de téléspectateurs, donc 11,4% de part d'audience en moyenne en 2015. Une légère baisse ces dernières années, mais toujours au-dessus de la moyenne de la chaîne. Donc on se débarrasse de lui pour quelqu'un qui, j'imagine, est un petit peu plus jeune. S'il y en a depuis 27 ans, monsieur, le père et l'autre a 44 ans. J'imagine que ça a peut-être un lien avec ça. On veut rénover, on veut essayer de remonter la côte, la pente, mais c'est triste. On va au Royaume-Uni, en fait le reste du bloc est pas mal international en général, j'ai pas vraiment classé ça par ordre de pays quand même, mais l'interprète de Monsieur Bean va jouer l'inspecteur Maigret. C'est un Rowan Atkinson beaucoup plus sérieux qu'on devrait découvrir sous les traits de l'inspecteur Maigret, prochainement sur France 3. Ben, ça, je les ai peut-être classés en ordre de pays sans le savoir, selon Satellifax. Rowan Atkinson, interprète de l'absurde Monsieur Bean, n'était pas apparu à la télé depuis 2007. Sauf lors d'un numéro humoristique lors de l'ouverture des Jeux Olympiques en 2012, peut-être l'avez-vous vu. Selon Satellifax, son retour est prévu prochainement pour endosser l'imperméable du commissaire Maigret sur France 3, autrefois incarné par Bruno Crémier et même Jean Gabin au cinéma. La chaîne aurait récemment acquis les droits d'une nouvelle fiction britannique Maigret, commandée par la chaîne ITV, à qui l'on doit entre autres Downton Abbey ou encore Broadchurch. L'adaptation de la version française a été réalisée par Stuart Harcourt, un expert britannique des adaptations télévisées de romans policiers. Il a auparavant signé des séries comme Miss Marple ou Hercule Poirot. Deux épisodes ont été tournés d'après les romans de Georges Simenon. Maigret tente un piège et Maigret et son mort. Maintenant, on va sur Internet. Gagnant de 12 prix à Emmy en septembre dernier, la série de HBO Game of Thrones, Trône de fer, a marqué l'année 2015 pour une autre raison moins glorieuse. Un peu, c'est la série qui a été la plus piratée de l'année, selon Torrent Freak. La saga fantastique a été téléchargée illégalement plus de 14 millions de fois en 2015, signe de la montée en popularité de la sanglante série. Game of Thrones a été piratée près de deux fois plus que l'an dernier et la sixième saison débute en avril prochain. Est-ce qu'elle va briser le record? On va voir. David Fincher retrouve Netflix pour une nouvelle série. Le réalisateur américain produira et mettra en scène Mindhunter, une série développée depuis 6 ans pour HBO, puis finalement récupérée par Netflix. Le retour télévisé de David Fincher était attendu sur HBO, et bien finalement, non, ce sera Netflix qui va accueillir la prochaine création audiovisuelle du réalisateur suite à ses déboires avec la chaîne câblée. Après s'être associé à Kevin Spacey pour House of Cards, le cinéaste collabora avec Charlize Theron pour ce projet évoquant la traque de tueurs en série et de délinquants sexuels. David Fincher retrouvera donc, cet univers... déjà abordé dans ses longs métrages comme 7 en 95 et Zodiac en 2007. Il s'appuiera sur Mindhunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, un ouvrage de John Douglas, un ancien profiler du FBI qui aurait inspiré plusieurs personnages du petit écran et du grand écran aussi, dont l'équipe de profilers de la série Esprit Criminel, Will Graham dans Hannibal ou encore Jack Crawford dans le roman de Thomas Harris, Le Silence des Agneaux, incarné à l'écran par Harvey Keitel et Lawrence Fishburne. Comme on l'a dit à l'origine, cette série devait être sur HBO en 2010. Elle avait même été annoncée. Le réalisateur avait mis de côté le projet afin de se consacrer à d'autres émissions pour la chaîne payante, dont Utopia et Videosyncrasy. Oh, ça, c'est un drôle de jeu de mots, hein? Videosyncrasy. Mais au cours de l'été dernier, le torchon a brûlé entre les deux. Suite à un désaccord financier, Fincher avait été écarté de l'adaptation de la série anglaise Utopia, qu'il avait réalisé et produire. La Discord avait même compromis son autre projet, la comédie sur l'essor des clips vidéo dans les années 80, Videosyncrasy, alors que le tournage avait été suspendu pour retravailler le scénario. Les acteurs avaient été, en août dernier, invités par HBO à quitter la production, purement annulée. Une aubaine dont ont très bien profité Netflix, qui accueille depuis début 2013 la première série de Fincher, ainsi que sa première création originale, House of Cards, saluée par une pluie de louanges. Voilà. Et ça va entamer une autre saison, la quatrième en fait, le 4 mars prochain. Xavier Dolan a gain de cause contre Netflix. Oui, il a fait plier Netflix après avoir reçu une virulente lettre de protestation du cinéaste québécois. La section britannique du géant du divertissement a décidé de diffuser Mommy dans ses versions originales carrées 1 pour 1 et non en format 1 pour 85 comme elle avait commencé à le faire. Dans un message transmis au distributeur britannique du film Metrodome, Netflix UK a plaidé l'erreur et a assuré que la situation sera corrigée rapidement. A appris le Journal de Québec par le truchement des films Séville, le distributeur québécois de Mommy. La décision de Netflix UK de présenter Mommy dans un format rectangulaire classique de 1 pour 85 et non dans le format carré choisi par Xavier Dolan avait soulevé l'ire du réalisateur qui a été informé de ce qu'il avait qualifié d'altération par les utilisateurs de Netflix. Évidemment, ça veut dire qu'on a coupé le haut et le bas de l'écran, donc il manque des parties de ce que le réalisateur voulait montrer. Donc je peux tout à fait comprendre. Je cite « Vous pouvez couper ou ajuster vos propres émissions si vous le voulez, mais ne touchez pas à mon film, prenez-le tel quel ou enlevez-le », avait-il écrit dans une lettre à Netflix UK. Mise en ligne sur Twitter. Vous n'avez pas réalisé ce film, vous n'avez pas écrit ce film, vous n'avez pas produit ce film, alors est-ce que quelqu'un ou quelque chose à part moi peut vous garantir la liberté que vous avez prise avec mon travail? Netflix avait enchaîné Dolan, ne l'a pas consulté avant de modifier le cadre de Mommy, et même s'il l'avait fait, j'aurais été choqué par ce manque de jugement, dit-il. À l'exception d'une scène pivot, Mommy a été tournée dans un format carré, donc 1 pour 1, à la Instagram. Selon le cinéaste québécois, la décision de Netflix de le présenter en format 1 pour 85 venait bousiller l'impact émotif de cette scène dans laquelle le personnage principal, joué par Antoine-Olivier Pilon, élargit de ses mains l'image sur l'air de Wonderwall de Oasis. Il élargit l'image du cadrage du film. Je cite, vous avez éteint la capacité émotionnelle de cette scène et méprisé le sentiment de pression sociale crucial dans la narration, suscité par le format 1 pour 1. Lors de sa présentation aux médias lors du Festival de Cannes en 2014, les journalistes avaient spontanément applaudi lors du visionnement de cette fameuse scène, c'est clair. Mommy avait par la suite remporté le prix du jury avant de connaître une belle carrière en salle au cinéma et dans plusieurs pays à travers le monde. J'imagine simplement, pour vrai, oui, bon, c'est une erreur de l'avoir fait, je suis 100% d'accord avec ça, mais d'après moi, étant donné que c'est Netflix UK, ou Netflix en général, il faut prendre le temps de regarder chaque film pour voir si ça a une importance. J'avoue qu'il devrait le demander. Mais ça doit être une tâche bureaucratique qui devrait coûter assez cher de demander à chaque réalisateur si on peut cropper un film. Ce que je trouve bizarre, c'est que Netflix, ils ont la première saison de X-Files aux États-Unis en HD. Évidemment, ça n'a pas été produit en HD, ça a été produit en 4x3, mais ils l'ont croppé en HD. Et au Canada, aux dernières nouvelles, il n'était pas en HD. Je comprends pas. On dirait que ça dépend du pays, d'après moi. C'est bon. Ce n'est qu'une théorie. Netflix et DreamWorks renforcent leur partenariat. Le service de vidéo en ligne Netflix et DreamWorks Animation vont étendre leur partenariat au monde entier, à l'exception de la Chine et à l'essentiel des contenus produits par le studio américain, nouveau ou ancien, selon un communiqué. Les deux partenaires ont déjà conclu plusieurs accords depuis 2011, d'abord sur la diffusion des longs métrages animés du studio, puis à la mi-juin 2013 sur la production de programmes originaux inspirés de certains des dessins animés les plus populaires de DreamWorks. L'avenant annoncé, c'est tellement journalistique, étant le partenariat à l'ensemble des marchés sur lesquels Netflix est présent, à l'exception de la Chine pour les contenus originaux, mais aussi pour le catalogue de films animés déjà produits par DreamWorks. Ce nouvel accord permet ainsi de couvrir plus de 60 pays, à l'exception de la Chine, où était planté Netflix, qui n'était présent que dans 40 pays au moment de la signature du partenariat de juin 2013. Netflix revendique aujourd'hui 60 millions d'abonnés dans le monde. Parmi les programmes originaux produits par DreamWorks pour Netflix, on retrouve entre autres Trollhunters, créé par le réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Il s'agit d'une série appuyée sur des personnages qui n'ont pas déjà été vus dans une production de DreamWorks. Oui, j'ai beaucoup trop de nouvelles dans mon bloc et j'ai pas envie de prendre une pause. Netflix commande un thriller pour 2017. Le service de vidéo en ligne Netflix prévoit enrichir son offre déjà bien fournie d'un thriller psychologique. Le premier épisode de cette nouvelle série devrait être diffusé dès 2017. Intitulé Gypsy, cette série comptera dans un premier temps 10 épisodes d'une heure. Confiée à Lisa Rubin, l'intrigue suivra le quotidien de Jean Holloway, ou Gene Holloway, un thérapeute qui noue des relations intimes mais dangereuses avec les proches de ses patients. Ah, grosse année 2016 pour Netflix. Justement, tiens, une idée do-it-yourself de Netflix, des bas intelligents pour vos intenses sessions d'écoute de séries. Peut-être l'avez-vous vu passer, mais peut-être aussi l'avez-vous manqué pendant les fêtes en ne regardant pas du tout les nouvelles sur Facebook et ailleurs. Mais le Père Noël voulait vous permettre de regarder Netflix en rafale pendant le temps des fêtes et pendant l'année 2016, évidemment pour la suite. Donc, c'est pour ça qu'on vous offre la dernière innovation très techno pensée par l'entreprise de diffusion de films et de séries, une paire de bas. Ils ont quelque chose de spécial, c'est que dès que vous commencerez à sombrer dans le sommeil à votre deuxième ou douzième épisode de Narcos, l'émission se mettra en pause. Une fois l'émission des fois est tellement bonne qu'on peut pas s'en empêcher de continuer, nous dit Netflix, et sans vous en rendre compte, vous vous endormez profondément devant l'écran. Donc il y a une petite vidéo où Netflix fait la promotion de ses bas intelligents. Netflix ne les vend pas, contrairement à ce que certains ont pu dire qu'on pouvait acheter ça. La compagnie ne fait que vous montrer comment les créer dans un didacticiel en ligne, ce qui implique quand même un peu de code informatique et de réseautage électrique. Alors à moins que le Père Noël le fasse pour vous, vous allez devoir faire preuve d'un petit peu de créativité et de savoir-faire. En bref, maintenant, et un petit peu juste côté éducatif, une meilleure qualité d'image avec une bande passante inférieure, c'est le défi que relève Netflix présentement en réencodant progressivement l'intégralité de son catalogue. Les éditeurs de services de vidéo à la demande doivent s'adapter à toutes sortes de connexions à Internet, à plus forte raison qu'ils sont disponibles sur une multitude d'appareils et dans le monde entier. Avant de diffuser un programme, Netflix réalise ainsi plusieurs encodages. L'objectif est d'atteindre la meilleure qualité possible dans un maximum de situations, que ce soit du téléphone sur un réseau mobile saturé, au téléviseur dernier cri, sur une connexion par fibre optique. Netflix a disposé jusqu'à présent d'une échelle de paires de définition et de débit d'encodage prédéfinis. Donc, il encodait chaque programme à partir de 320 par 240 pixels à 235 kbps par seconde et jusqu'en 1080 pixels à 5800 kbps par seconde avec un total de 10 paliers. Abstraction en fait de quelques séries qui sont en Ultra HD 4K, ça compte pas là-dedans. Il appliquait indifféremment la même recette à toutes ses émissions sur 10 paliers. Donc le service revoit aujourd'hui ce modèle. Netflix est parti d'un exemple parlant. Donc on parle d'un dessin animé qui serait pas aussi exigeant qu'un film d'action. Que tu regardes un épisode de My Little Pony, t'as pas besoin d'avoir autant une belle image que sur exemple, on parlait de Narcos tantôt. Qualité constante, les aplats et les mouvements localisés de l'un se satisfont d'un débit d'encodage plus faible que le foisonnement de détails de l'autre. Avec une bande passante à 1700 kbps seconde, Netflix diffusait jusqu'à présent en 720 par 480 pixels, donc en SD, quelle que soit la complexité de l'image. Ce débit d'encodage est insuffisant pour diffuser un film d'action où il y a plein de choses, de tirs, de fusils, de coups d'épée, peu importe, en 1280 par 720. À l'inverse, il est inutilement élevé pour un dessin animé en SD, car au-delà d'un certain seuil à définition constante, la qualité de l'image n'augmente presque plus avec l'augmentation du débit. Concrètement, Netflix applique désormais une échelle d'encodage propre à chaque programme. Des définitions et des débits d'encodage prédéfinis demeurent pour assurer la compatibilité avec tous les appareils certifiés en circulation, mais ils ne sont plus corrélés et le nombre de paliers est dorénavant variable. Chaque programme est analysé à une échelle d'encodage propre et c'est calculé en fonction d'un algorithme maison. Netflix se base désormais sur le rapport signal sur bruit, ce qu'on appelle le PSNR, le PSNR. Les vidéos sont encodées automatiquement avec les meilleurs compromis possibles entre définition et artefacts. À 4300 kbps, les films les plus complexes pourront ainsi être encodés qu'en 1280 par 720 pixels, tout en offrant une meilleure fidélité qu'autrefois en 1920 par 1080. En contrepartie, le débit maximal est porté de 5800 à 7500 kbps pour les programmes qui peuvent en tirer parti. À l'inverse, le débit pourra être réduit à définition constante si un débit supérieur ne se traduit pas par un gain de qualité perceptible. Les plus férus d'encodage, ceux qui comprennent ce que je viens de dire, ceux qui aiment les mathématiques, peuvent approfondir la question sur le site de Netflix. Le lien est sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout pour Television Television. À la place de faire les codes d'écoute de la semaine passée, allons-y avec les codes d'écoute de l'année 2015 au complet, si ça vous intéresse, du côté du Québec. En 10e place, on retrouve LOL avec 1 563 000 téléspectateurs. Ensuite, en 9e, le 30e gala des prix Gémeaux. En 8e, le hockey des séries éliminatoires CH Ronde 2. En 7e, Boomerang. En 6e, les 400 coups. En 5e, le banquier. En 4e, les beaux malaises. En 3e, Unité 9 avec 2 248 000 téléspectateurs. En 2e, La Voix avec 2 989 000. Et évidemment, le Bye Bye compte là-dedans avec 3 037 000 téléspectateurs. Du côté du Canada anglais, en 10e place, c'est Mon Oncle Charlie, Two and a Half Men, avec 2 959 000. Ensuite, The Amazing Race Canada, ça c'est le truc de course autour du monde. En 8e, FIFA 2015 Women's World Cup. En 7e, les Golden Globe Awards de l'année passée. En 6e, American League Championship Series. En 5e, la Coupe Grey, CFL. En 4e, The Big Bang Theory. En 3e, les Academy Awards, les Oscars, avec 5 526 000. En 2e, World Junior Championship Playoffs Canada, du hockey, ça, avec 5 947 000. Et en première place, bien sûr, le Super Bowl de la NFL avec 8 262 000. Voilà pour les codes d'écoute du Canada anglais. C'est tout pour ce segment de Television Television. Il nous reste encore plein de choses à faire. D'après moi, on n'aura pas le temps de faire toutes les chroniques que j'avais prévues, mais allons-y tout à l'heure avec Merci Science. Pour l'instant, on écoute une chanson de Faison featuring Kiyomi. Voici Blood Code, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Let me be your guide, let me be your armor. vous êtes assez fait. 'Mills DJ Lost in the Past. Avant, c'était Phase On featuring Kiyomi de Blood Code. Voilà, Mathieu Plante Show. Maintenant, ben, c'est le moment de passer à un bloc où on remercie la science d'exister. Voici Merci Science. Merci Science, c'est la chronique science, technologie, médecine, un peu l'avenue ou le coin de rue entre toutes ces choses-là. Commençons avec des chaussettes qui utilisent de l'urine pour produire de l'électricité. Une équipe de chercheurs britanniques a réalisé un prototype fonctionnel de pile microbienne autonome fonctionnant à l'urine. Incorporé dans une paire de chaussettes, le circuit est actionné par la marche. L'énergie produite est suffisante pour alimenter un émetteur radio qui communique avec un ordinateur à intervalles réguliers. Alimenter des appareils électroniques portables, des vêtements connectés et autres capteurs destinés à surveiller l'activité corporelle est un casse-tête technique qu'ingénieurs et chercheurs tentent de solutionner de différentes manières. Parmi celles-ci, l'option de la pile à combustible microbienne est sans doute l'une des plus étonnantes. L'expérimentation menée à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre par le Centre de bioénergie a effectivement de quoi surprendre. Des chercheurs y ont créé une paire de chaussettes qui utilisent de l'urine pour produire de l'électricité à partir d'une pile à combustible microbienne, donc MFC. Grâce à ce système, ils sont parvenus à alimenter un transmetteur sans fil qui a pu envoyer un signal à intervalles réguliers vers un ordinateur. Le principe de la pile microbienne n'est pas nouveau. Il a notamment été étudié pour la création d'une batterie en papier, en origami alimentée par des bactéries ou encore pour fabriquer de l'électricité à partir de la photosynthèse d'une plante. La particularité du dispositif développé ici, tient en fait au système autonome qui permet de faire circuler les bactéries anaérobies à travers la pile microbienne afin qu'elle reste vivante pour pouvoir métaboliser. Il s'agit d'une pompe à air incorporée dans le talon des chaussettes et qui est actionnée par la marche. Je m'excuse, je lis mal à ce moment-ci. Le circuit de la pompe est inspiré du cœur d'un poisson et il est relié à 24 piles microbiennes souples fixées tout autour des mollets. Lorsque l'utilisateur de ses chaussettes se déplace, il actionne les deux pompes qui font circuler l'urine à travers les piles. L'électricité produite est suffisante pour alimenter un émetteur radio qui envoie un signal toutes les 2 minutes à un ordinateur. Selon les explications livrées dans l'article publié dans la revue Bioinspiration and Biomimetics, la puissance maximale que peut générer chaque chaussette est de 110 microwatts sur la base d'un rythme de 45 pas à la minute par pied. L'électricité est renvoyée vers 2 supercondensateurs qui la stockent pour alimenter le module de communication. La tension de sortie de l'ensemble du circuit atteint 4 volts. La preuve de concept est en fait. La question qui brûle les lèvres est de savoir quelles applications concrètes pourraient émerger d'un tel système. Il n'est à première vue pas envisageable que cela puisse servir à alimenter un bracelet d'activité, une montre connectée ou tout autre gadget électronique du même genre. En revanche, les chercheurs du Centre de bioénergie estiment qu'il serait possible de concevoir une balise alimentée par leur pile microbienne autonome qui puisse transmettre la localisation d'une personne en cas d'urgence. Selon eux, un tel équipement apporterait également une preuve de vie puisqu'il faudrait qu'il soit alimenté par l'urine de la personne qu'il porte, à condition que celui-ci puisse évidemment marcher. Une personne qui dort plus de 9 heures par nuit, qui reste assise plus de 7 heures par jour et fait moins de 2h30 d'exercice par semaine quadruple son risque de décès par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas ces 3 défauts. Ces gens-là ne meurront jamais, ne mourront jamais. Une association de facteurs plus dangereuse que celle de l'alcool et du tabac, nous dit une étude. Les maladies non transmissibles, donc maladies cardiovasculaires, cancer et diabète, représentent la principale cause de décès dans le monde. Or, ces maladies peuvent être associées à des facteurs de risque comportementaux comme le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la sédentarité et la mauvaise alimentation. Ces dernières années, de plus en plus de preuves ont montré que le fait de rester trop longtemps assis était mauvais pour la santé. De même, le sommeil a un impact sur la santé. C'est pourquoi les chercheurs de l'Université de Sydney en Australie ont voulu savoir quel serait l'effet obtenu si ces différents facteurs de risque étaient combinés chez les mêmes individus. Dans les recherches parues dans PLOS Medicine, ils ont analysé les comportements de 230 000 personnes qui faisaient partie de l'étude 45 and Up Study. Cette vaste cohorte australienne a démarré en 2006 et étudie la santé de la population au cours du vieillissement. Le tabagisme, la consommation d'alcool, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil ont été mesurés par des questionnaires. L'originalité de ce travail réside dans le fait que les auteurs ont inclus dans les facteurs de risque l'excès de temps passé assis, dont plus de 7 heures par jour, le manque de sommeil, moins de 7 heures par nuit, l'excès de sommeil, dont plus de 9 heures par nuit. Ils ont regardé l'effet des combinaisons de facteurs. Au cours de 6 années de suivi, de ces 231 048 personnes, celles qui réunissaient 0, 1, 2 ou plus de 3 facteurs de risque représentaient respectivement donc 31,2% pour 0, 36,9% pour 1, 21,4% pour 2 et 10,6% pour plus de 3 facteurs. Pour chaque facteur de risque et pour chaque association de facteurs, les scientifiques ont comparé le risque de décès à celui de personnes qui ne comptabilisaient aucun facteur de risque. Globalement, il y avait une forte corrélation entre le nombre de facteurs de risque et la mortalité. Tous les facteurs de risque ne contribuaient pas de la même manière à la mortalité, ainsi le tabagisme restait le facteur de risque de décès le plus important, car il augmentait de 90% le risque de mortalité. Mais ce qui était particulièrement intéressant, c'est que l'effet combiné des facteurs de risque n'était pas le résultat d'une simple addition mathématique. Donc une forte consommation d'alcool n'est pas associée à une augmentation significative du risque de mortalité, donc plus 8%, mais combinée avec le tabagisme, elle donne une augmentation du risque de mortalité de 180%. Si à ces deux facteurs de risque s'ajoute encore un sommeil insuffisant, lui seul augmentait le risque... augmentait peu le risque de mortalité, donc plus 9%. La combinaison des trois facteurs, alcool, tabac et manque de sommeil, multiplie par 4,68 le risque de décès de l'individu. Allez voir sur assemblageriquet.com pour l'article au complet et n'oubliez pas que des études comme ça, on peut leur faire dire pas mal n'importe quoi. Par rapport aux primates proches de l'espèce humaine, on reste dans le sommeil. L'homme dort moins, mais son sommeil serait plus efficace. Un avantage qui lui aurait permis de gagner du temps pour les apprentissages et de se favoriser ses capacités intellectuelles. Bien dormir est essentiel pour être en bonne santé. Il est souvent reproché aux écrans de télévision, de smartphones et d'ordinateurs de réduire la durée ou de la qualité de notre sommeil. Mais comment le sommeil humain a-t-il évolué depuis la nuit des temps? Dans un article paru dans Evolutionary Anthropology, des chercheurs de l'Université Duke en Caroline du Nord ont analysé la relation entre le sommeil et l'évolution de la cognition chez l'homme. Pour ce faire, ils ont recherché des articles portant sur le sommeil des primates. 21 espèces ont été incluses dans cette étude: babouins, lémuriens, orang-outans, chimpanzés et humains. Les chercheurs ont alors trouvé que les humains avec une moyenne de 7 heures de sommeil par nuit étaient de petits dormeurs comparés aux autres primates. Ainsi, certaines espèces de primates comme les macaques à queue de cochon ou les lémuriens comme le microcèbe mignon, ça c'est son autre nom, hein, je pense pas que c'est comme ça, lémurien donc microcèbe mignon, ont besoin de 11 à 14 heures. Cependant, le sommeil humain serait plus efficace avec moins de temps passé dans les stades de sommeil léger et plus dans le sommeil profond. La phase de mouvement oculaire rapide, donc REM, où l'individu rêve en sommeil paradoxal, représente 25% du sommeil humain. Chez d'autres primates comme des lémuriens ou des singes verts d'Afrique, cette phase du sommeil dépasse tout juste 5%. Cette différence entre le sommeil de l'homme et des autres primates ne serait pas quelque chose de récent, favorisé par les lumières artificielles ou les écrans. En effet, une autre étude sur le sommeil de chasseurs-cueilleurs en Tanzanie, Namibie et Bolivie avait montré que ces tribus dormaient moins que les sociétés occidentales. En revanche, cet article comparant l'homme aux autres primates suggère que les humains ont remplacé la quantité de sommeil par une meilleure qualité bien avant l'arrivée des nouvelles technologies. D'après les chercheurs, cette transition se serait faite lorsque les hominidés, oui, ont abandonné leur lit dans les arbres pour dormir sur la terre ferme, comme aujourd'hui. Une fois au sol, les humains auraient commencé à dormir près du feu, en groupe et au chaud. La menace des prédateurs ou des conflits avec des groupes opposés aurait raccourci le sommeil à une durée la plus courte possible. Nos ancêtres auraient donc subi des pressions de sélection pour répondre à leurs besoins en sommeil en un minimum de temps. Or, un sommeil plus court présente des avantages. Ça permet de libérer du temps pour d'autres activités comme l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances et la vie en société. Un sommeil plus profond permet aussi de consolider les compétences acquises, aiguiser sa mémoire et stimuler le cerveau. En définitive, cette évolution du sommeil humain aurait favorisé les capacités cognitives de nos ancêtres. La force donnerait des pouvoirs au diagnostic médical. Donc Star Wars pourrait vous éviter un cancer du côlon. Une étude comparant des coloscopies réalisées dans deux environnements musicaux différents a montré que la bande-son de Star Wars permettrait de détecter plus d'anénomes et de polypes. La gastro-entérologie n'échappe pas à la mode Star Wars. Dans cette étude rédigée avec beaucoup d'humour qui paraît dans Medical Journal of Australia, les auteurs sont pourtant partis du constat très sérieux que la musique a des vertus en médecine, y compris en salle d'opération. Elle aide par exemple le patient à réduire son anxiété et favoriserait les performances des médecins. Mais aucune étude jusque-là ne s'était penchée sur les bénéfices de la musique pour la coloscopie. Il n'y aurait pas non plus de données sur le style de musique le plus efficace pour réussir une endoscopie. Pourtant, les médecins sont amenés à travailler dans un environnement relativement stressant pour réussir ces opérations. Différents styles de musique ont été proposés en salle d'opération, mais d'après les auteurs, qui s'avouent être des fans de Star Wars, les musiques issues de films épiques n'en faisaient pas partie. Or, les bandes-sons de ces films contiennent des mélodies associées à la gloire, le succès, la victoire, qui pourrait avoir un effet positif sur un médecin. C'est pourquoi les auteurs ont voulu tester l'effet de la musique de Star Wars en salle de coloscopie et de comparer ça à la musique pop. Ces expériences ont été réalisées entre juin et août 2015 à Melbourne. L'étude a reçu l'approbation du comité d'éthique local. 103 coloscopies ont été analysées, 58 réalisées avec de la musique de Star Wars et 45 avec de la musique pop. Le choix de la musique a été tiré au sort avant chaque opération. La bande-son de Star Wars utilisée contenait la musique de l'épisode 3 avec Battle of the Heroes, composée par le célèbre John Williams. 5 personnes ont pratiqué les endoscopies, dont une ayant 10 ans d'expérience, qu'on appelait donc le Maître Jedi, et 4 avec 1 à 2 années d'expérience, les Padawan. C'est cute à mort. Pour mesurer l'efficacité de la coloscopie, les chercheurs ont utilisé le taux de détection des adénomes, donc le nombre de coloscopies avec au moins un adénome retiré, divisé par le nombre de coloscopies, et le taux de détection des polypes, donc le nombre de coloscopies avec au moins un polype retiré, divisé par le nombre de coloscopies. La durée de l'opération était similaire dans les deux groupes, donc 20 et 22 minutes. La préparation colique a été jugée comme bonne ou excellente à 57% dans le groupe Star Wars et à 69% dans l'autre groupe. La qualité de la préparation des patients était donc moins bonne dans le groupe opéré avec la Guerre des Étoiles. Malgré ces difficultés qui auraient pu compliquer le diagnostic, l'efficacité de la coloscopie était meilleure avec la musique de la saga intergalactique, puisque l'équipe médicale a trouvé plus de polypes et donné des nombres avec elle, donc 60% de taux de détection de polypes avec la musique de Star Wars et 35% avec la musique pop. De même, le taux de détection des adénomes était de 48% avec Star Wars et 35% avec la pop. Ceci suggère que les praticiens montraient de meilleures qualités d'observation dans l'environnement musical de Star Wars. Les auteurs conseillent donc l'utilisation de cette musique en fond musical pour les coloscopies. Ils se demandent également si d'autres musiques de films épiques comme Le Seigneur des Anneaux pourraient donner des résultats comparables. Évidemment, encore une fois, et je vais le rappeler de plus en plus parce que j'ai regardé quelques extraits de Adam Ruins Everything sur YouTube. C'est sur la chaîne True TV aux États-Unis. Donc, c'est avec Adam Conover. Adam Ruins Everything. Il a fait paraître une étude complètement fausse. Il a réussi à faire publier ça dans un journal connu de science, de médecine. Donc, à un moment donné, ça montrait vraiment le fait que n'importe qui peut publier une étude de ces temps-ci. Mais bon. Les grands médias embarquent dans n'importe quoi aussi. Hein. Tiens, quand le réfrigérateur joue avec nos neurones, manger serait si simple si ça se résumait en un appel lancé par l'estomac auquel le cerveau répond sagement. Mais plus les chercheurs creusent et plus ils découvrent à quel point l'irrationnel a pris le dessus. On savait déjà que le désir de manger était déterminé à la fois par la faim, donc un estomac vide, et par la zone de récompense dans notre cerveau. C'est toutefois cette dernière qui se révèle beaucoup plus dominatrice qu'on ne l'aurait cru. Parce que cette zone du plaisir se préoccupe peu qu'on ait fait ou non. Elle recherche le gras et le sucre qui activeront davantage la dopamine dans notre cerveau. C'est aussi un phénomène naturel, c'est ce qui permet à un animal d'emmagasiner des réserves pour survivre à l'hiver, mais qui a perdu tout son sens à notre époque d'abondance. Ça fonctionne même avec des photos, raconte le New Scientist. Le cerveau de gens à qui on a montré des images de différents plats s'est davantage activé devant les plats les plus riches en calories. Par contre, il s'avère que l'estomac et le cerveau ne sont pas indépendants. D'autres recherches signalent que la zone de récompense des gens obèses, de même que de ceux qui ont subi une chirurgie bariatrique, réagit moins fortement face à la nourriture très calorique. De la pensée qu'on pourrait reprogrammer notre cerveau pour nous éviter d'aller fouiller dans le réfrigérateur, il n'y a qu'un pas, nous dit l'agence France-Presse. On reste dans la bouffe, le québécois du sirop d'érable, une arme de plus contre la gingivite, nous dit le Soleil. Une équipe de l'Université Laval vient de découvrir des propriétés anti-inflammatoires à une molécule contenue dans le sirop d'érable. Lit-on dans un article paru récemment dans la revue savante Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. Normalement, les cellules immunitaires du corps humain s'activent en présence de toxines d'origine bactérienne en sécrétant, une substance nommée cytokine qui agit comme un signal d'alarme et qui attire d'autres cellules immunitaires vers un site infecté. Cependant, il arrive que ce mécanisme s'emballe et cause des problèmes dans des maladies comme l'arthrite ou la gingivite, par exemple. Or, en exposant des cellules immunitaires à un composé nommé le Québécol, que l'on ne trouve que dans le sirop d'érable, une équipe de l'UL, l'Université Laval, menée par le chimiste Normand Voyer et le chercheur en médecine dentaire Daniel Grenier, a constaté qu'elle produisait beaucoup moins de ces cytokines. De là à soigner sa gingivite en se gargarisant au sirop d'érable, il n'y a qu'un pas à franchir. L'article finit pareil comme l'autre, hein? La quantité de Québécol qu'il y a dans le sirop d'érable, il n'y a aucune chance pour qu'on ait le même effet. C'est vraiment beaucoup trop faible, dit M. Voyer. En fait, l'étude des propriétés du Québécol isolée pour la première fois en 2011, il n'est vraiment possible que depuis que le laboratoire de M. Voyer est parvenu à synthétiser la molécule en 2013. Auparavant, il fallait filtrer le sirop d'érable pour obtenir du Québécol. Et avant d'en avoir assez pour faire une étude, on devait traiter des quantités totalement absurdes de sirop de l'ordre de 20 000 litres. Le sirop lui-même n'a donc malheureusement rien de thérapeutique, à part bien sûr pour l'âme. Les addicts aux jeux vidéo sont plus réactifs face aux dangers. Une nouvelle étude américaine fournit la preuve que les cerveaux de joueurs addicts aux jeux vidéo sont différents de ceux des non-dépendants. Une récente étude américaine menée en Corée du Sud et publiée dans Addiction Biology s'est intéressée au cerveau des jeunes accros aux jeux vidéo. Elle fournit la preuve que leurs cerveaux sont raccordés différemment. Les chercheurs américains ont en effet observé une hyperconnexion neuronale entre certaines zones du cerveau chez les dépendants chroniques, principalement celles liées à la vision et à l'audition. D'après les scientifiques, cette donnée aurait des impacts positifs et négatifs sur leur comportement. D'un côté, cette particularité leur permet de répondre plus efficacement, à toute nouvelle information, dont le danger, et de se concentrer sur des objectifs précis. De l'autre, elle provoquerait un manque de concentration et des pulsions difficilement contrôlables. Pour réaliser ces travaux, les chercheurs ont fait passer une IRM, donc une imagerie par résonance magnétique, à 106 garçons entre 10 et 19 ans en recherche de traitement pour guérir leur dépendance aux jeux vidéo. Ces scans ont été comparés à ceux de 80 garçons ne présentant aucun trouble. Ils ont ensuite été analysés pour étudier les régions qui étaient activées simultanément quand les participants étaient au repos. Après avoir étudié 300 combinaisons neuronales chez les deux groupes de patients, les chercheurs ont identifié une connexion très forte entre deux zones qui seraient responsables d'un degré de distraction important, le cortex préfrontal et le carrefour temporo-pariétal. D'après les résultats, plus les deux régions cérébrales s'allumaient en même temps, plus leur connexion était forte. Selon Jeffrey Anderson, on constate le même phénomène chez les patients souffrant de schizophrénie, de trisomie 21 ou encore d'autisme, et chez les personnes qui contrôlent difficilement leurs pulsions. Demeure néanmoins une inconnue, on ne sait pas si ce sont les jeux vidéo qui modifient le câblage du cerveau ou si ce sont des différences dans le câblage du cerveau qui exacerbe l'attrait pour les jeux vidéo. Ça reste encore à prouver. Aux États-Unis, des chercheurs ont montré qu'un composé en verre bioactif déjà connu en chirurgie pourrait être utilisé dans des amalgames dentaires. Donc on parle de plombage en verre bioactif. Ses propriétés antiseptiques entraveraient l'apparition de caries. À l'avenir, les amalgames dentaires pourraient être réalisés à partir de verres bioactifs, comme le rapportent des ingénieurs de l'Oregon State University. Il contient des composants comme l'oxyde de silicium, l'oxyde de calcium et l'oxyde de phosphore et n'est pas une nouveauté. Ce composé est en effet utilisé depuis plusieurs décennies en chirurgie osseuse, mais c'est un nouveau venu dans les soins dentaires. Les chercheurs pensent qu'en utilisant ça comme amalgame pour soigner les caries, on pourrait limiter les attaques de bactéries et permettre au plombage de durer plus longtemps. Je vous invite à aller lire le reste de l'article sur assemblagerequis.com. En bref, fumer est aussi mauvais pour la santé des chiens et des chats, montre une étude qui établit un lien entre un environnement enfumé et un risque accru de maladies chez les animaux de compagnie. Cellules endommagées, prise de poids après la castration et possibilité accrue de contracter certains cancers guettent les animaux exposés à la fumée de cigarettes. L'étude permet de remarquer que les niveaux de nicotine dans les poils diminuent sensiblement si la consommation dans la maison passe au-dessus de 10 cigarettes par jour. Les chercheurs de Glasgow ont en outre trouvé dans les testicules des mâles castrés un gène marqueur de cellules endommagées plus présent chez les chiens vivant dans un foyer de fumeurs. Ce gène est altéré dans certains cancers du chien et il l'est moins lorsque le propriétaire fume hors de la maison, réduisant ainsi l'exposition de son animal préféré. L'objectif de personnaliser sa perte de poids en fonction de la génétique de l'individu pourrait être atteint d'ici 5 ans, affirme un groupe de chercheurs. À partir d'un échantillon de salive pour l'analyse de l'ADN et de capteurs connectés pour suivre l'alimentation et l'activité physique, un algorithme pourrait fournir des conseils individualisés. Le surpoids et l'obésité sont devenus des problèmes de santé publique dans le monde occidental, mais aussi dans des pays comme l'Inde et la Chine. Pourtant, certaines personnes restent à un poids normal, bien qu'elles vivent dans un environnement qui les incite à grossir. D'après les recherches sur la génétique de l'obésité, la moitié de l'indice de masse corporelle peut être attribué à des facteurs génétiques. Le reste est dû à des facteurs liés à l'environnement comme l'alimentation et l'exercice. Actuellement, environ 150 variants génétiques sont associés de manière significative à l'IMC, le taux de taille ou le risque d'obésité. Parmi ces gènes, certains affectent des voies du système nerveux central qui jouent un rôle dans le contrôle de la prise alimentaire. D'autres sont associés à la sécrétion d'insuline, d'autres encore à l'adipogénèse, la biologie des lipides, le métabolisme énergétique, etc. Par exemple, le gène FTO pour Fat Mass and Obesity Associated Protein est associé à l'obésité car il influence le développement des adipocytes, les cellules qui stockent les graisses, et la thermogenèse, qui est la production de chaleur. Une variante du gène FTO peut favoriser le stockage de l'énergie apportée par l'alimentation au lieu de le brûler, si bien que ce gène a pu être qualifié de gène de l'obésité. Mais un seul gène ne peut expliquer l'obésité. Selon une professeure de sciences nutritionnelles à l'Université du Texas à Austin, je cite, « Lorsque vous revenez en arrière et regardez combien la variation de ce gène compte pour la variation de la taille du corps dans la population générale, c'est vraiment petit. Ça souligne qu'il y a plusieurs gènes impliqués dans l'obésité et ils interagissent les uns avec les autres de façon complexe. » Le reste de l'article, encore une fois, sur le site de l'émission. Et je vais y aller avec un dernier. Tiens, allons-y avec celui-là. Des cellules de peau transformées pour sécréter de l'insuline. Des chercheurs américains, et là, l'article vient de Le Devoir, et on parle de chercheurs états-uniens. Je trouve ça pas très sérieux. On réussit à transformer les cellules de peau humaine en cellules de pancréas sécrétrices d'insuline. Une fois greffées à des souris prédisposées au diabète, ces cellules ont protégé les petits rongeurs de la maladie. Cette prouesse laisse espérer de pouvoir aider les patients diabétiques à normaliser leur glycémie. D'autres scientifiques étaient déjà parvenus à générer des cellules bêta de pancréas qui produisent et libèrent l'insuline à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Mais la procédure était longue et ardue et elle soulevait des problèmes éthiques. Cette fois, les chercheurs des instituts Gladstone de l'Université de la Californie à San Francisco sont arrivés à convertir des fibroblastes de peau humaine en cellules bêta. Pour ce faire, ils ont exposé des fibroblastes à des substances produites par les cellules souches embryonnaires humaines, ce qui a permis de les transformer en cellules progénitrices de l'endoderme, des cellules capables de se développer en un certain nombre d'organes différents, dont les organes de la digestion. Puis, en cherchant dans des banques de substances connues, les chercheurs ont découvert différents composés chimiques, comme la vitamine C, un inhibiteur de la voie de signalisation Notch, et l'agoniste BAKE-8644 du canal au calcium, qui favoriserait la différenciation de ces cellules progénitrices en cellules pancréatiques bêta. Les chercheurs ont ensuite montré en laboratoire que ces cellules étaient tout à fait fonctionnelles puisqu'elles sécrétaient de l'insuline lorsqu'elles se retrouvaient en présence de glucose. Mieux encore, lorsqu'ils les ont greffées à des souris prédisposées au diabète, elles produisaient la quantité d'insuline nécessaire pour neutraliser le tout. Pour neutraliser tout en changeant. Je m'excuse, je reprends ça. C'est les Advil Rumicinus qui me font des effets. Elles produisaient la quantité d'insuline nécessaire pour neutraliser tout changement des niveaux de glucose et par le fait même, elles ont permis aux souris d'échapper au diabète. Dans l'article qu'ils ont publié dans Nature Communications, les chercheurs avouent qu'ils ne comprennent pas encore le rôle et les mécanismes moléculaires empruntés par les composés qu'ils ont identifiés comme capables de reprogrammer les cellules progénitrices de l'endoderme en cellules pancréatiques. Mais ils soulignent que les méthodes pourraient générer un nombre illimité de cellules pancréatiques sécrétrices d'insuline à partir des cellules de peau d'un patient, ce qui permet espérer de guérir un jour le diabète. Voilà. Bon, merci science. Il nous reste un mini bloc CNX tantôt. On va parler surtout du CES ainsi que de la nouvelle que j'ai mentionnée en intro, qui avait l'air très intéressante sur Facebook qui plante volontairement pour tester la loyauté de ses utilisateurs. Ce sera au retour de cette pièce. Une autre pièce de Mills DJ, on l'a écouté juste avant. Merci science. Le voici avec une deuxième pièce, Mills DJ et Wishful Thinking. MPS, le Mathieu Plante Show sur Sifu. Thank you. vous êtes à CIFU. Pour plus d'informations, visitez cifu.ca. De retour, Mathieu Plante-Jouy. Il nous reste environ une dizaine de minutes ensemble avant Audiomatique pour ceux qui nous écoutent le mercredi, bien sûr. Et pour ceux du jeudi, ce sera Palmarès du Monde à 17h. Nous, pour le moment, c'est l'heure de faire CNX, le segment geek. CNX, c'est le bloc geek, donc on parle de nouvelles technologies. Allons-y en rafale avec ce qui s'est passé au CES. Évidemment, je ne vais pas faire le tour de tout ce qui s'est passé au CES. Oh, voyons. Oui, c'est ça. Le Consumer Electronics Show, celui qu'on est supposé appeler le International CES et dont les lettres ne sont plus supposées vouloir dire grand-chose. Donc, le salon d'électronique grand public de Las Vegas qui a fermé ses portes la fin de semaine dernière. Commençons par Netflix. La figure de proue de la vidéo en ligne en streaming a volé la vedette en annonçant qu'elle s'étendait à 130 nouveaux pays. On a parlé un petit peu tantôt. Désormais présent dans presque tous les pays du monde, y compris la Russie ou l'Inde. Le 3D sur smartphone, ensuite deux poids lourds du secteur technologique, l'américain Google et le chinois Lenovo se sont alliés pour produire le premier smartphone qui va utiliser une technologie de cartographie 3D développée par le géant internet américain, ça s'appelle le Project Tango. L'appareil va sortir à l'échelle mondiale cette année. Il pourrait préfigurer une nouvelle génération d'appareils intelligents avec des applications pour la cartographie à l'intérieur des bâtiments ou la réalité augmentée. Le format de télévision à très haute définition 4K devient la norme de base pour les fabricants qui proposent des écrans toujours plus fins et plus spectaculaires aux consommateurs prêts à y mettre le prix. D'après l'Association américaine des technologies grand public, CTA, organisatrice du CES, un téléviseur sur 5 vendu cette année affichera une diagonale de plus de 50 pouces, donc 1,27 mètres, et sera au format 4K. Tout est connecté au CES, cuillère, balance, électroménager. Les objets connectés restent en pleine explosion et Samsung a notamment dévoilé un réfrigérateur avec une caméra intérieure permettant de regarder dedans virtuellement depuis un smartphone pour savoir ce qu'il manque sur sa liste de courses. Et Haier a dévoilé un miroir qui donne les dernières nouvelles et la météo. En santé portable, les accessoires vestimentaires connectés, les wearables collectent des données toujours plus précises sur la santé, avec même des incursions dans le domaine médical, certains diagnostiquent des maladies ou permettent de traiter la douleur. Les voitures ne communiquent plus seulement avec les smartphones, mais ambitionnent de devenir un centre de commande mobile pour d'autres parts de la vie connectée. Ford a notamment annoncé une alliance avec Amazon pour faire communiquer ses véhicules avec les appareils de la maison. La réalité virtuelle veut s'étendre au sexe, au sport, au commerce et à l'exploration spatiale. Oculus, la filiale de Facebook, a ouvert les commandes pour son très attendu casque Oculus Rift et nombre de compagnies présentées au CES des appareils concurrents ou des contenus pour ces mondes parallèles. Et certaines technologies s'efforcent désormais d'agir directement sur le cerveau avec l'espoir, entre autres, d'aider les handicapés. La jeune pousse Brain Company, basée à Boston, a présenté son serre-tête Mind Control qui capte les ondes cérébrales pour améliorer les facultés de concentration et la détection d'éventuelles maladies, voire contrôler des appareils de la maison ou des prothèses. J'ai posté d'autres articles sur CES, entre autres de La Presse. Il y en a aussi un de InfoPresse. Et on va y aller avec quelques gadgets qui, moi, m'ont attiré pendant la semaine dernière. Donc, en bref, on va peut-être même y revenir la semaine prochaine. Présenté au CES par l'entreprise du même nom, Smart Wheel est un accessoire qui se fixe au volant d'une voiture dans le but de contrôler l'attitude du conducteur et réduire les risques d'accidents liés à la négligence de ce dernier. Aux États-Unis, les accidents liés à l'écriture de SMS au volant sont particulièrement fréquents et souvent meurtriers. C'est même la cause numéro 1 de décès de jeunes conducteurs dans le pays. Pas étonnant donc qu'une start-up ait choisi de plancher sur une solution visant à discipliner les conducteurs. Point intéressant chez Smart Wheel, le PDG TJ Evers a seulement 20 ans. C'est à l'âge de 19 ans, voyant ses camarades de classe prendre des risques en envoyant des textos pendant qu'il conduisait, que lui est venue l'idée du volant policier. Smart Wheel n'est pas un volant à proprement parler, mais un accessoire qui se fixe sur n'importe quelle voiture, donc sur n'importe quel volant. Une fois en place, il fait le nécessaire pour obliger le conducteur à toujours garder les deux mains sur le volant, l'empêchant ainsi notamment de saisir son téléphone portable pendant qu'il conduit. L'accessoire se met à sonner et à clignoter si le conducteur tient le volant d'une main, l'obligeant ainsi à corriger rapidement son attitude. Clairement destiné aux parents qui veulent contrôler les habitudes de leurs conducteurs jeunes, aux États-Unis particulièrement, on peut avoir un permis à 16 ans. Smart Wheel dispose de la capacité de transmettre des infos à distance sur une application par le biais du Bluetooth. Il est ainsi possible de récupérer des informations détaillées sur le comportement du chauffeur et si ce dernier cherche à enlever l'appareil pour éviter de se faire épingler. Là encore, la démarche est détectée et peut être signalée. tatou de cuir vêtu, l'accessoire se fond plutôt bien dans le décor. S'il répond à une problématique importante aux États-Unis, il suffit de voir le fonctionnement pour se convaincre qu'il serait utile dans de nombreux pays. Les personnes imprudentes au volant n'ayant généralement pas de nationalité spécifique, il sera disponible dans le courant de l'année au prix de $200 américains. La copie chinoise d'un hoverboard américain est saisie par la police en plein salon CES à Las Vegas. C'était le théâtre d'une saisie d'une rapidité inouïe d'un skateboard collecté et proposé par une société chinoise qui serait la pâle copie d'un produit américain. Encore une fois, on dit skateboard et non pas un hoverboard parce qu'un hoverboard, c'est supposé flotter, donc c'est pas des hoverboards même s'ils disent que c'est des hoverboards. Est-ce qu'on se comprend? Bon. C'est bien malgré elle que la société chinoise Jiangsu First International Trade a fait parler d'elle au CES, venue présenter une réinterprétation du skateboard possédant une roue motorisée au centre, qu'on appelle des fois des hoverboards. Ce concept est intéressant, mais il serait hélas trop inspiré de produits existants, le One Wheel de la société américaine Future Motion, et pour elle, le chinois viole deux brevets. La start-up n'a pas attendu la fin de l'événement pour se saisir de l'affaire et a immédiatement porté plainte contre la société chinoise devant le tribunal fédéral de Las Vegas mardi 5 janvier, la veille de l'ouverture du salon. Comme le rapporte Ars Technica, une audience téléphonique d'à peine 7 minutes s'en est suivie mercredi, au terme de laquelle la juge Miranda Du a ordonné l'interdiction de la vente du produit visé et sa saisie. Deux jours plus tard, jeudi, deux agents fédéraux des Marshals se sont rendus sur place pour démonter le stand de Jiangsu et saisir 5 à 6 skates ainsi que des documents de marketing. Vous pouvez voir la vidéo de démonstration du One Wheel sur assemblagerequis.com. La webcam qui veut remplacer les fonds verts maintenant. Razer commercialisera prochainement une webcam capable d'isoler l'utilisateur de son environnement de façon à éviter d'avoir à recourir au traditionnel fond vert. Elle se destine en priorité aux adeptes du live streaming, mais permet aussi de profiter de certaines fonctionnalités de Windows 10. Les casters et streamers qui se filment régulièrement pendant qu'ils jouent à des jeux vidéo devraient constituer la première cible de choix de Stargazer, une webcam développée par Razer, développée cette semaine à l'occasion du... à l'occasion du CES de Las Vegas. Basée sur la technologie RealSense Data, elle permet en fait d'isoler l'utilisateur du fond qui l'entoure. Autrement dit, si vous diffusez en direct vos parties de jeux vidéo sur Internet, personne ne verra les posters de votre chambre. La caméra sait reconnaître et isoler le sujet principal du reste de l'image, comme on le fait en télévision à l'aide des fameux fonds verts. Le résultat n'est pas parfait, en ceci que la tête de l'utilisateur n'est pas toujours parfaitement détourée, mais la Stargazer remplit tout de même largement sa mission. À cette fonction première s'ajoute la reconnaissance de mouvement. La caméra peut en effet reconnaître certains gestes spécifiques pour déclencher par exemple le lancement de logiciels. Elle sait aussi identifier un profil particulier pour déverrouiller une session de Windows 10 via la fonction Hello. La caméra Razer Stargazer devrait être lancée dans le courant du deuxième trimestre de 2016 pour environ $200 américains. Et finalement, la Poste se lance dans l'Internet des objets avec un bouton connecté baptisé Domino qui fonctionnera sur les réseaux bas débit à longue portée déployés par Sigfox en France. Grâce à lui, les particuliers et les professionnels pourront déposer n'importe quel objet non emballé dans leur boîte aux lettres afin qu'il soit ramassé par le facteur puis traité par le service Colissimo. Elle avait déjà étonné au CES l'année dernière en montrant son savoir-faire en matière d'objets connectés. Et bien cette année, la Poste française propose un service innovant pour envoyer des colis. Donc un petit bouton à la Amazon Dash ou à la Darty qui, une fois placé dans une boîte aux lettres, permettra d'envoyer des colis sans sortir de chez soi. Vous étiez peut-être familier donc avec le service Colissimo qui permettait d'envoyer un colis en l'affranchissant sur Internet et en le plaçant dans votre boîte aux lettres. Et bien le nouveau produit nommé Domino, annoncé à Las Vegas, reprend un peu le même procédé et le modernise. Placez l'objet à envoyer dans votre boîte aux lettres, vous appuyez sur le bouton et le facteur vient le chercher. Vous n'avez plus besoin de sortir de chez vous. En fait, vous n'avez plus besoin de rien faire du tout puisque c'est le facteur qui se chargera d'emballer et d'affranchir le contenu. Dès que vous appuyez sur le bouton, tout le processus d'expédition est pris en charge. L'adresse, quant à elle, est transmise au facteur via l'application mobile reliée au bouton grâce au réseau basse fréquence et à faible consommation. Ce service sera d'abord disponible aux particuliers d'une zone test en province de France qui possède une boîte aux normes, environ 75% des boîtes en France. Si le succès est au rendez-vous, la Poste pourrait étendre le service à la France entière. Pour l'instant, aucun prix n'a été communiqué pour ce beau petit bouton. Voilà, c'est tout pour le petit bloc sur CES. J'ai pas eu le temps d'en faire plus. Il reste d'autres nouvelles qu'on fera peut-être la semaine prochaine. On avait quand même 3 semaines de retard, mais je voulais qu'on parle de CES en premier parce que Colin, ça vient de se terminer. Et à un moment donné, faut pas prendre trop de retard avec ça. Faut garder ses bonnes habitudes en ce début d'année. Voilà. Et ben par le fait même, c'est la fin du Mathieu Plante Show pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. En rappel, cette session-ci est jeudi, mais à 14h, on descend d'une heure sur la grille horaire à cause de l'émission de Sébastien F. Gertin. La sortie de secours est à votre gauche qui commence la semaine prochaine. Donc pour probablement cette semaine, l'heure va être un petit peu flexible. Écoutez, en l'après-midi, ça devrait être fixé d'ici les prochaines semaines. Je ne fais que deviner pour la descente d'une heure. Si tout va bien. Donc, je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 au Palmarès Fou les mardis de 15h à 18h. Programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante ainsi que de Samuel Girard. C'était Mathieu Plante, vous avez été planté et on se quitte avec une pièce de c'était de Havoc, oui. Voici Daylight pour se quitter. Automatique suit à 17h pour le jour du mercredi. Bonne journée. Bye bye.